Bon, mesdames, messieurs, chers collègues, je vais vous demander de bien vouloir prendre place et je vais tout d'abord accueillir Jules Ragneau, qui rejoint le conseil municipal à la suite de la démission de Raquel Garrido, qui a été élue députée de la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis. Donc, bienvenue, Jules, parmi nous, et vous informer de la constitution d'un nouveau groupe politique au sein du conseil municipal, un groupe politique citoyen et indépendant, composé de Ndaye Mariam Diop et de Raymond Vassindou Cissé. Donc, je vais procéder à l'appel nominal. Tony Di Martino, présent. Olivier Taravella, présent. Elham Chahir, Édouard de Noël, présent. Émilie Trigo, présent. Vassindou Cissé, présent. John Jibiro, présent. Cédric Pape, présent. Yasmina Sadoud, Choki Haddad, Edith Félix, Brahim Akrour, Merlehane Georges, Grégoire de la Gannerie, Anne Gerval a donné pouvoir à Elham Chahir, Brigitte de la Perelle, Daouda Keïta a donné pouvoir à Olivier Taravella, Jean-Claude Oliva, Valérie Bille a donné pouvoir à Edith Félix, Yalana Dino, Abdelkrim Karmaoui, Anne de Rugy, Frédéric Gabin a donné pouvoir. Non, il est là, pardon, Frédéric, excuse-moi. Mariam Diop a donné pouvoir à Vassindou Cissé, Kaline Tribic, Amit Chahir, Mamadou Sila, Manon Chrétien a donné pouvoir à Émilie Trigo, Hissène Ounissi, Zora Kelly, Mona Bellil, Mohamed Jenan, Sébastien Stalens, Pierre Vionnet, Laurent Jamais a donné pouvoir à Solène Le Bourris, Angéline Desbordes-Silly, Claire Laurence a donné pouvoir à Angéline Desbordes-Silly, Solène Le Bourris et Jules Ragneau. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Yalana Dino, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. C'est approuvé. Nous avons une demande d'intervention qui respecte les conditions fixées par le règlement intérieur et qui est celle de M. Thénoz pour le Parti ouvrier indépendant démocratique. Allez-y, M. Thénoz. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux et conseillères municipales, je m'adresse à vous aujourd'hui, mandaté par les plus de 400 parents de cette ville qui ont signé physiquement à la porte des écoles, dans nos quartiers, une pétition pour le retour à l'ancien système de réservation des facturations des activités périscolaires. Les parents ont découvert la modification du règlement intérieur des activités périscolaires qui prévoit maintenant l'inscription à l'année, le paiement de toutes les prestations réservées et une majoration de 50% en cas de présence non réservée. Certes, le règlement intérieur prévoit la possibilité de modifier sa réservation, que ce soit 15, 8 ou 3 jours avant en fonction des cas, mais combien de parents ne connaissent pas leur planning de travail une semaine à l'avance? Combien sont soumis aux aléas des transports? Combien sont soumis aux contrats précaires ou enchaînent les missions en intérim? Une certitude, avec ce nouveau système de facturation, la facture ne peut qu'augmenter pour les familles. Ce changement, par ailleurs, frappera d'autant plus durement les familles précaires. Nous voulons, les plus de 400 signataires de toutes les écoles de la ville, le retour au système en vigueur précédemment, le retour à un véritable service public à la population. Nous demandons que les inscriptions soient gérées et organisées par les centres et la garantie que tous les enfants soient acceptés sans majoration des tarifs. Le paiement des seuls créneaux effectués comme auparavant. Nous pensons aussi aux agents municipaux chargés de traiter les centaines de mails des parents. C'est pourquoi nous demandons l'embauche du personnel municipal nécessaire pour répondre à cette demande. Et depuis le lancement de cette pétition, nous avons par ailleurs appris la modification du système, la modification du système de tarification et des tarifs. Les parents, les habitants de la ville sont déjà pris à la gorge par l'inflation, particulièrement celle de l'énergie, de l'essence, du gaz, de l'électricité. Ils sont pris à la gorge par l'augmentation des tarifs de l'eau chaude dans les OPH de la ville, dont les charges ont doublé en quelques mois, l'augmentation des tarifs de conservatoire, de la piscine, par Reste Ensemble. Les habitants ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois. Alors, on a tous reçu, les parents, aujourd'hui, à 1h30, 2h du conseil municipal, la plaquette de communication adressée par la mairie. Elle présente des modifications tarifaires qui, en partie, peuvent paraître alléchantes. Mais quelle est la réalité? On a repris le temps de faire les calculs, j'en avais fait une série à partir, non pas du simulateur qui est visiblement aléatoire, mais des tarifs qui étaient indiqués dans le compte-rendu du conseil municipal du 23 juin. Alors partons des vôtres, de ce qui est indiqué, des exemples choisis. Le premier, vous citez, puis c'est une autre façon de présenter les choses. La première famille que vous présentez, une famille qui touche 1402 euros avec deux enfants. Là, la situation concrète, ça, c'est que c'est une famille qui est à peine au-dessus du RSA. Pour elle, certes, les tarifs baissent. Enfin, malheureusement, c'est bien souvent des familles qui n'ont pas les moyens de mettre leurs enfants au périscolaire. Et pour eux, la moindre des justices, ce serait que les tarifs soient égaux à zéro. Le deuxième exemple que vous prenez, c'est une famille avec trois enfants et 2840 euros de revenus. D'accord ? Ça, c'est deux parents qui touchent moins que le SMIC. Pour eux, encore, formellement, les tarifs baissent, mais encore, réellement, c'est une famille qui, malheureusement, n'aura pas forcément les moyens de mettre ses enfants au périscolaire. Pour eux, encore, ils devraient toucher les tarifs minimums. Quant à la dernière exemple que vous prenez, une famille avec deux enfants qui touche 3942 euros, c'est une famille qui, par personne, touche moins de 2000 balles. Là encore, pour eux, ça augmente. C'est une famille qui est considérée comme étant riche. Je vais reprendre d'autres exemples. Excusez-moi, je suis un peu long, mais ça vaut la peine d'être concret. Si on part des tarifs du compte-rendu du conseil municipal, pour être au tarif minimum, il faut être au RSA, seul, parent isolé avec deux enfants. Une mère célibataire au SMIC avec deux enfants, elle est considérée trop riche pour bénéficier des tarifs minimums. Elle paierait 1,50€ leur pas. Une famille avec deux enfants, dont les deux parents sont au SMIC, eux, ils sont considérés comme riches, ils sont donc classés dans le troisième groupe sur quatre. Alors qu'on ne nous dise pas qu'il s'agisse d'équilibrer le système ou de solidarité. On se rappelle qu'en 2017, c'était déjà l'argument qui avait été avancé. Depuis, une augmentation en amène une autre. Le résultat, c'est que nombreuses familles ne pourront plus payer le périscolaire. Alors face à ça, dans cette situation, tous les parents de la ville ont les mêmes intérêts, quels que soient leurs revenus, quelles que soient leurs conditions. Rien ne peut justifier qu'on prenne plus d'argent à la population. J'ajouterais que la population sera en droit d'attendre d'une municipalité qui dit s'opposer à la politique du gouvernement Macron, qui déverse les milliards pour les grandes entreprises, qui trouve des milliards pour la guerre, on sera en droit d'attendre qu'une municipalité qui dit s'opposer à ça s'y oppose concrètement, dans les faits, et ne relaie pas sa politique en la faisant payer à la population. Alors les familles, les habitants ne peuvent pas payer. Ils ne peuvent plus payer, et ils ne doivent pas payer. C'est pour ça que nous ne demandons pas un centime de plus pour les familles. Le retour aux anciens tarifs, aux anciennes modalités de calcul, à l'ancien système de facturation et de réservation pour les activités. Et maintenant, pour insister, pour enfoncer un peu plus le clou, je vais passer la parole à des parents qui vont décrire réellement les situations auxquelles ils sont confrontés, comparer les anciennes factures et les nouveaux. Non, il n'y a pas de demande de prise de parole, monsieur. On va vous répondre. On va vous répondre. Si vous nous autorisez à vous répondre, on va vous répondre. Bien sûr. Parce que dans POID, il y a démocratique. Absolument. Il y a ouvriers aussi et indépendants. Pour une famille, un enfant, je ne me rappelle plus les revenus. Vous pouvez me dire, je ne sais plus dans quelle tranche. C'est écrit là ? Oui, c'est ça. Une famille avec un enfant, ce qu'on disait tout à l'heure. Passe de 3,20 € à 5,70 €. La journée, ça va être 17 € la journée de centre périscolaire. Bon, je ne sais pas si d'autres peuvent relayer, si je dois relayer ce qui nous a été rapporté juste devant sur les conditions, y compris aujourd'hui réelles, du système de, de la situation de la cantine. Enfin, quand on va avoir des repas pour 5,70 €, dans lesquels, encore aujourd'hui, il a été signalé que la nourriture était avariée, que les quantités sont insuffisantes. La population a raison d'être révoltée et de dire que c'est inadmissible et que rien ne peut justifier qu'on paie un centime de plus. Alors une réponse à deux voix, Olivier Tarabella et ensuite Édouard de Noël. Bonsoir, moi je vais vous répondre sur la partie tarif et je laisserai Édouard ou Frédéric d'ailleurs répondre plutôt sur la partie réservation. Sur la partie tarif, donc je rappelle, on a fait une première réforme en 2019, dont l'idée était de supprimer les effets de seuil qui étaient très, très forts pour les ménages bagnoletais, puisque avec seulement quelques euros de revenus de plus, on avait parfois des tarifs qui d'un seul coup passaient du simple au double. Donc cette réforme de 2019, elle a permis de lisser la progression des tarifs, qui a créé beaucoup plus de justice entre les différents usagers, puisque pour chaque euro supplémentaire de revenus, il y avait une augmentation proportionnelle du niveau de tarification, et ce qui évitait ces effets de seuil. Ensuite, on s'était engagé à ce que cette tarification, qui à cette époque rattrapait aussi l'inflation qui n'avait pas été intégrée dans les tarifs depuis près de 10 ans, fasse l'objet d'une évaluation pour éviter que les effets de bord soient réalisés. On a fait cette évaluation en 2021, on a voulu la faire évidemment dès 2020, mais entre le Covid et le décalage des élections municipales, ça n'a pas pu être mené. Et le rapport qui a été commis par notre prestataire sur la réforme a confirmé qu'à peu près 40% des familles avaient, malgré le rattrapage de l'inflation, eu une diminution de leur facturation moyenne liée justement à cette suppression des effets de seuil. Et pour les autres, il y avait une progression qui était conforme à ce qui était identifié. En revanche, ce dont on s'est rendu compte, c'est que de par le niveau de vie moyen à Bagnolet qui est faible, chacun le sait, je rappelle, hein, c'est 12 000 euros de revenus moyens annuels par habitant à Bagnolet, c'est en dessous du SMIC, pour reprendre ce que disait notre ami du POID, on avait un effort qui était peut-être encore trop fort sur les ménages qui étaient, alors c'est un peu technique, mais entre le deuxième et le cinquième décile, donc entre les 20% les moins aisés et ceux qui sont à peu près au revenu médian. Donc on a proposé une réforme tarifaire complémentaire qui est venue baisser un petit peu l'effort sur les ménages qui sont dans cette catégorie de revenus que vous avez traduit effectivement dans votre présentation, et c'est 67% des ménages usagers qui du coup ont une baisse de leur facturation parce que à Bagnolet une très forte proportion des ménages sont concentrés sur des niveaux de revenus faibles. Alors effectivement, on a l'impression qu'on bascule sur une augmentation dès un niveau de revenu qui n'est pas un revenu exceptionnel, on est d'accord, ce n'est pas un plafond à 5 SMIC. Mais pour quand même 2/3 des ménages, il y a une diminution, et c'est une diminution qui s'additionne pour certains d'entre eux à la diminution dont ils avaient déjà bénéficié en 2019, alors même que sur la période, vous avez une inflation qui dépasse 15% sans même intégrer l'effet de l'inflation cette année ou celle qui sera opérée l'année prochaine. Je rappelle que si on reste sur la cantine scolaire, il y a des denrées alimentaires qui augmentent de 40%, de 100%. Je prends le beurre, je prends d'autres produits laitiers, c'est 100%. Certains céréales, c'est 40%. Aujourd'hui, vous avez un coût de réalisation du repas, sans rentrer dans le débat de la qualité des repas. Ça, c'est un débat qu'on continuera d'avoir et sur lequel on travaille. Mais sur la tarif, aujourd'hui, il n'y a pas de répercussion de l'inflation sur la tarification des repas. Il n'y a pas de répercussion d'inflation. Quand on a une inflation de 15%, mais qui en fait est beaucoup plus élevée sur les seules denrées alimentaires, et que pour 67% des ménages, il y a une baisse du tarif, je pense que c'est un effort que fait la collectivité à destination des ménages qui sont des ménages modestes. Et après, évidemment, il faut aussi que l'État prenne toute sa part dans sa politique sociale avec l'ensemble des aides qui sont prévues pour accompagner ces ménages. La difficulté qu'on a aujourd'hui et qu'on a dénoncée à Bagnolet, c'est que c'est sûr que quand on n'a pas d'évolution des salaires, pas de revalorisation du SMIC, pas de revalorisation au niveau de l'inflation des minima sociaux, il y a des ménages qui sont en grande difficulté. Bagnolet prend sa part avec une politique tarifaire qui, malgré une contrainte financière qui est la nôtre, est quand même assez ambitieuse. Mais on ne peut pas seul compenser le fait que le coût de la vie s'est fortement renchéri pour un certain nombre de ménages. On prend notre part avec ces tarifs-là, mais il faut aussi que l'État prenne sa part. Voilà ce que je voulais vous dire sur la partie tarifaire. Après, il y a eu des difficultés techniques liées à... C'est tout bête, hein, mais c'est notre prestataire Arpège s'est planté sur la configuration de la formule qui permet de faire le simulateur, qui fait que des familles ont été amenées à simuler des tarifs qui ne sont pas les leurs, et donc avoir le sentiment que leur facture allait exploser. Et quand on a fait les contrôles de manière manuelle, et on remercie les services de la ville qui ont eu à refaire à la main un certain nombre de calculs pour vérifier où se trouvait l'erreur, qu'on retrouve bien les simulations qu'on avait faites au mois de mai, au moment où on a délibéré sur ces tarifs, et qui vont permettre effectivement que la facture baisse pour 67% des ménages, ce qui est une réalité concrète. Merci Olivier Edouard. Oui, donc à titre de transition, effectivement, il y a une réforme des tarifs. Et effectivement, moi, je suis d'autant plus à l'aise pour le dire que la précédente réforme avait eu de nombreux effets de bord. Donc, c'est un nouveau changement tarifaire que nous avons demandé à plusieurs élus. On s'est mis tous d'accord sur le fait qu'on reprenait la maxime de chacun selon ses moyens et à chacun selon ses besoins. Oui, le tarif baisse pour 2/3 des familles. Et oui, le tarif augmente pour 1/3 des familles. C'est une répartition plus équitable de l'effort. Et effectivement, ce sont les 2/3 des familles les moins favorisées de la ville qui verront leur facture baisser. Ça, c'est inéluctable. Ensuite, sur la partie des inscriptions, puisque c'est le cœur de ce sur quoi je voulais répondre. Pour qu'on puisse prévoir, il faut s'inscrire. Depuis des mois et des années, chacune et chacun, quand on inscrit nos enfants au centre de loisirs, pour les vacances, etc. Je vous demande pardon. Mais attendez, le système n'est même pas encore en place. Donc, effectivement, je ne pense pas qu'on va se répondre à travers la salle, mais on peut en parler après. Le changement de réservation, il se base sur ce qui existe déjà pour une partie du périscolaire, c'est-à-dire qu'on sait à l'avance qu'on inscrit ses enfants, par exemple, pour les vacances, et ça permet d'adapter le nombre d'animateurs qui vont les encadrer, de ne pas avoir un surencadrement ou un sous-encadrement. De la même manière, il nous faut avoir une prévisibilité des inscriptions, y compris pour la pause méridienne. Pour des raisons économiques comme pour des raisons écologiques, pour des raisons économiques, on ne peut pas, et pour des raisons écologiques, je vous vois dire non, mais si, je vous le garantis, on ne peut pas continuer à Bagnolet, après l'audit que nous avions fait de la cuisine centrale, jeter 33 000 repas par an. Ça n'est pas possible économiquement, ça n'est pas possible écologiquement. Donc nous devons effectivement prévoir des repas parce que lorsqu'un enfant... Madame, s'il vous plaît, lorsqu'un, vous a écouté, donc on va écouter Édouard Denoël. Lorsqu'un enfant déjeune à la cantine le midi, le repas a été conçu la veille, il est déjà conçu. On a besoin d'avoir une prévisibilité des repas. Et encore une fois, je le dis que c'est pour des raisons économiques. Pourquoi ? Parce que si on veut maintenir les tarifs au niveau où ils sont avec l'inflation des denrées alimentaires, on doit faire la chasse d'abord au gaspillage. Et puisque c'est un gisement important de gaspillage, l'inscription préalable est nécessaire. Maintenant, pour tordre le cou à certaines choses qui ont circulé, et peut-être que nous devons en prendre notre part sur la partie communication qui a été faite de cela, non, il n'y a pas besoin d'inscrire son enfant 15 jours à l'avance. Il va falloir qu'on fasse mieux circuler les nouvelles règles à la cantine. Oui, quand on a un certificat médical, quand on est malade, etc., ça permet de pouvoir annuler sa facturation. Le but du jeu, ce n'est pas de faire payer tout le monde tout le temps, c'est de prévoir le rythme des inscriptions. Et je vous entendais dire tout à l'heure, et je voudrais préciser ce point-là, qu'il y a à Bagnolet des familles qui ont des difficultés de par leur emploi à prévoir. Mais c'est la même chose à Montreuil, c'est la même chose à Romainville, c'est la même chose dans d'autres villes qui toutes ont un système de réservation pour une simple et bonne raison, c'est que nous avons toutes et toutes les mêmes contraintes, c'est-à-dire qu'on est obligé de calculer au mieux quelle quantité de nourriture il faut produire pour les enfants au quotidien, quelle quantité d'animateurs et d'agents de service il faut pour les encadrer, tout simplement. Donc, pour la partie communication, je pense qu'on peut en prendre notre part. Pour le bug, gros bug qu'Olivier a évoqué du prestataire, ça nous a sûrement tiré une balle dans le pied. Pour l'essentiel de la réforme, je le redis, les tarifs baisseront pour 2/3 des familles, ils augmenteront marginalement pour 1/3, et pour la réservation, il nous faut des conditions de réservation. Elles ne sont pas celles que j'ai vues circuler sur des groupes WhatsApp de parents ou autres. On va reprendre et bien réexpliquer l'ensemble des règles de telle manière que chacun comprenne que c'est un petit peu contraignant à mettre en œuvre et qu'une fois que ça roule, ça roulera comme dans toutes les communes de France. Et on aura l'occasion de faire le point avec Frédéric Gabin, Édouard Denoël, Olivier Tarabella, avec les délégués de parents d'élèves sur la mise en œuvre de la réforme, quand vous le souhaitez, Monsieur Tenoz. À votre disposition. Madame Desbordes-Silly, non, vous n'avez pas la parole, monsieur. Monsieur, vous n'avez pas la parole. Madame Desbordes-Silly, vous voulez... Monsieur, on est au conseil municipal, vous n'avez pas la parole. Madame Desbordes-Silly, allez-y. Moi, alors merci à Guillaume et merci aux parents qui ont fait cette intervention. Moi, j'ignore, on ne comprend pas comment vous faites vos choix politiques. La question de la tarification des tarifs de restauration scolaire et de centres de loisirs, elle est tout à fait elle est identitaire. Vous êtes une majorité sociale, écologiste de gauche, progressiste, et vous vous attaquez à deux fondements de l'émancipation des citoyens, des citoyennes, des habitants. Et faites de la politique, sortez de vos bureaux, faites de la politique sur le terrain. Aujourd'hui, la réalité des tarifs que vous avez adoptés il y a quelques mois, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, on a des gamins, on a des enfants qui ne peuvent plus, dont les parents ne peuvent pas payer l'accueil du matin et qui se retrouvent sur le trottoir parce qu'ils ont des parents qui partent travailler de bonne heure et qui ne peuvent pas bénéficier d'un accueil du matin parce que c'est trop cher. On a quoi ? On a des familles monoparentales, des mères qui élèvent seules leurs enfants et qui aujourd'hui, pour à peu près un salaire moyen de 1 500 € par mois, ont des tarifs de garde le mercredi en centre de loisirs pour 15, ou Guillaume disait 17 € par enfant. Vous imaginez le coût que ça représente pour une famille, par exemple de deux enfants, pour une mère qui a deux enfants, qui les élève seule, c'est plus de 30 balles par mercredi, il y a 4 mercredis par mois. Vous imaginez le sacrifice consenti par ces familles. Alors qu'est-ce qu'elles ont comme options, les femmes, dans ces cas-là ? Elles vont travailler à temps partiel, elles vont faire appel éventuellement à un membre de la famille s'il y en a. C'est totalement discriminant, c'est une atteinte à la liberté et aux droits des femmes de travailler. Comment vous prenez vos décisions politiques ? Et puis, la restauration scolaire, c'est quand même un vrai sujet, vous en avez fait un marqueur de vos listes respectives pendant la campagne. C'est tout à fait essentiel. On va adopter une délibération tout à l'heure, un dispositif de lutte contre l'obésité infantile, et on a appris lorsqu'on a lu cette délibération qu'il y avait un petit bagnoletais sur quatre qui était en situation d'obésité. L'alimentation, c'est tout à fait essentiel. Donc, de grâce, ne matraquez pas, ne faites pas, on parle même pas de la Sodexo, et de ce que vous mettez dans les assiettes de nos enfants, qui est tout à fait dégueulasse. Ça a été dit, c'est pas moi de le redire, de toute façon, on vous l'a dit, vous avez fait des choix, vous les assumez. Mais au moins, ne matraquez pas, ne faites pas les poches des familles. Vous allez les sortir des dispositifs de restauration scolaire, ce sera un échec, handicapant pour les parents, ce sera un échec de santé publique, donc arrêtez, revenez sur ces dispositifs de tarification comme vous êtes en train de revenir sur les dispositifs de réservation des créneaux et des inscriptions. Donc Edouard, pour clore le débat, les chiffres sont inexacts, même Desbordes, c'est faux. Les chiffres que vous donnez sont faux. Comme d'habitude. Les chiffres que nous donnons sont toujours faux, c'est un principe. Oui. Mais en fait, ça va baisser pour 2/3 et ça va augmenter pour 1/3. C'est vrai. Donc la séance du conseil municipal est rouverte. Le point numéro 1, c'est l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 23 juin. Est-ce qu'il y a des observations ? Si je puis me permettre, il y avait une deuxième demande de parole. Il y a une deuxième demande de parole, mais comme vous connaissez très bien... J'ai appris que vous aviez décidé de la refuser. Mais c'est-à-dire que, comme le prévoit le règlement intérieur que nous avons adopté collectivement, les demandes répétées ne sont pas acceptées. Et donc, on a abordé au dernier conseil municipal, comme vous vous en souvenez, la question de l'îlot Pêche d'Or. Donc, ce ne sera pas abordé ce soir, ça l'a déjà été. Donc, le premier point de l'ordre du jour, approbation du conseil municipal. Parce que j'ai bien vu que vous utilisiez... un élément du règlement intérieur, mais cette association n'est intervenue qu'une fois au dernier conseil municipal sur un sujet qui est quand même assez fondamental et où il s'est passé des choses depuis cet été avec une occupation, avec des choses qui se sont passées cet été. C'est pas une récurrence à chaque conseil. Au dernier conseil municipal. Donc point numéro 1, approbation du compte rendu du 23 juin 2022. Est-ce qu'il y a des observations ? Pas d'observation. Qui est pour ? Qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Point suivant, désignation des membres des commissions municipales. Donc, il s'agit de remplacer Mme Garrido, qui est désormais députée de Bobigny-Drancy, de la remplacer au sein d'un certain nombre de commissions. Et du Bourget, pardon, j'ai oublié. Commission numéro 2, attractivité, aménagement du territoire et cadre de vie. Qui proposez-vous ? Alors, peut-être un petit mot... Un petit mot bref et général. Effectivement, ces remplacements font suite à l'élection de Raquel Garrido comme député de Drancy-Bobigny. J'en profite au nom de notre groupe pour la féliciter publiquement. Et nous nous en réjouissons au moins pour deux raisons. Bon, la première raison, c'est qu'elle a permis de faire rebasculer à gauche cette circonscription que Jean-Christophe Lagarde avait conquis il y a 20 ans face à Bernard Birsinger, le regretté ancien maire de Bobigny. Et puis la deuxième raison, c'est que c'était une élection qui dépassait les questions de politique partisane, puisque il est maintenant à peu près établi que Jean-Christophe Lagarde avait, sur Drancy et Bobigny, créé un système. Un système fait de clientélisme, d'oubli de l'intérêt général et de l'unité républicaine au profit d'arrangements avec les communautaires, d'arrangements aussi avec un certain nombre de gens proches des milieux voyous ou de trafic. Donc on se satisfait grandement que ce système ait été défait aux dernières législatives comme il avait été défait au municipal de Bobigny. Mais je profite de ce mot introductif pour dire que, comme vous le savez, puisqu'on a déjà eu l'occasion de s'en parler, nous sommes inquiets de voir qu'un certain nombre de ces pratiques se propagent ou se consolident à Bagnolet dans notre ville. Ensuite, pas, je vous invite. Pas vous, monsieur Viret. Pas vous. Donnez-nous les noms des membres des commissions. Alors, sur les différentes commissions, sur les trois commissions liées au conseil municipal. Donc, quatre activités. Oui, alors j'avais écrit, comme il y avait ce qu'on vous suggère, ce qu'on proposait, c'était qu'à la commission numéro 1, je l'avais écrit au secrétariat général et à votre cabinet, s'il était possible que Solène Le Bourris remplace Claire Laurence, qui est par ailleurs membre d'une autre commission. Sur la commission numéro 2, que je remplace donc Pierre Vionnet, Raquel Garrido. Et sur la commission numéro 3, que Jules Raguenaud remplace Raquel Garrido. J'y vois pas d'obstacle. Donc, je vous propose de passer au voix. On a bien noté. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Commission de délégation de services publics. Même exercice. Alors là, c'est le remplacement de Raquel Garrido, il est proposé par Jules Raguenaud. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Même exercice, commission sélection des offres de logement. Il est proposé qu'elle soit remplacée par Mohamed Jenan. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Caisse des écoles. Idem, remplacement par Mohamed Jenan. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Sisek Mapad. Remplacement par Sébastien Stellens. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Comité d'éthique pour la vidéoprotection. Remplacement par Solène Le Bourris. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Donc le rapport numéro 8 concerne un mandat spécial donné à Mme Émilie Trigault pour un déplacement aux assises de la sécurité des territoires. Ce que ça appelle des remarques. Monsieur Vionnet. Oui, c'était une remarque d'indication de vote, mais qui était une remarque qui sera un peu de portée plus générale sur l'ensemble des délibérations de gestion là, qui sont inscrites à l'ordre du jour du conseil municipal. Nous n'allons pas prendre part à l'ensemble des votes, considérant que la succession des affaires dans notre ville pose un vrai problème de légitimité de cette instance. Donc je serai relativement bref, parce que c'est des sujets qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer, mais c'est vrai que depuis plusieurs années, notre ville... Depuis au moins une dizaine d'années. Comment? Vous devriez le savoir. Mais il y a quand même, depuis quelques années, une accélération assez préoccupante des affaires, pour employer ce mot, qui concerne la municipalité de Bagnolet. Un de vos élus est proche hein, a été l'an dernier condamné pour corruption. Un autre élu qui a récupéré la délégation du logement a été condamné récemment pour violence. Aujourd'hui, c'est vous, le maire, contre lequel le tribunal de Bobigny a requis une peine très lourde pour un maire, parce que c'est une peine de prison avec sursis, pour détournement de fonds publics. Clairement, nous ne sommes pas juges et nous n'anticipons pas ce que la justice décidera, mais la succession, quand même, de ces faits fait déjà beaucoup, beaucoup trop pour Bagnolet, et on a clairement le sentiment de ne pas être face à des cas individuels ou des dérives individuelles. Et ça nous semble particulièrement grave, puisque nous savons tous que les affaires impliquant les élus affaiblissent profondément la démocratie, qu'on voit dans le monde, et il y a des exemples récents de populisme ou d'extrémisme qui l'emportent ou s'installent. Et il nous semble du coup que ce conseil municipal a perdu toute légitimité pour représenter les Bagnoletais et pour gérer cette ville. Donc en conséquence de quoi, nous ne prendrons pas part au vote sur la trentaine de délibérations qui suivent. C'est noté. Venant de vous, monsieur Lyonnais, c'est un vrai compliment. Que chacun balaye devant sa porte. Ce petit jeu... Non, ce n'est pas un jeu. Ce petit jeu, venant de moi, etc. Donc je pense justement, monsieur Di Martino, les choses sont sérieuses, méritent d'être prises avec gravité. Très sérieuses. Et que ce petit jeu n'est pas très honorable. Très sérieuse. Je vous propose de passer aux voix sur ce mandat spécial. Sur le mandat spécial. Donc, qui est pour donner un mandat spécial à Mme Trigault ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Rapport numéro 9, avenant à la convention de mise à disposition d'Est Ensemble des services de Bagnolet. Est-ce qu'il y a des remarques ? Pas de remarques ? Je vous propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Rapport numéro 10, groupement de commandes relatif à la passation d'un apport cadre relatif à la réalisation de diagnostics techniques et sanitaires de locaux d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre dans le cadre de la réalisation de travaux d'office. Olivier. Oui, on est maintenant depuis 2017 engagé dans un travail avec Est Ensemble sur un certain nombre de groupements de commandes qui permettent aux collectivités évidemment concernées de faire des économies d'échelle sur des dépenses qui sont à peu près réalisées dans toutes les collectivités, puisque c'est pour la plupart des dépenses obligatoires. Donc pour ce marché comme pour les autres, Est Ensemble sera le chef de file du groupement de commandes et la ville de Bagnolet bénéficiera donc des avantages induits. Est-ce qu'il y a des observations ? Pas d'observations ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, mise à jour du tableau des effectifs suite à des réussites au concours et à des recrutements. Est-ce qu'il y a des observations ? Pas d'observations ? Allez-y. Une observation un peu de nature générale sur la situation du personnel communal, parce que là, au-delà de ces actualisations des effectifs, on constate quand même que le turnover continue. Vous n'avez plus de directeur général des services derrière vous. On a découvert et fait connaissance avec une nouvelle directrice générale adjointe, mais il y a d'autres vacances de poste, un changement de directeur de cabinet. Depuis que vous êtes élu, je crois que vous en êtes, si vous arrivez à recruter le suivant, vous en serez à votre cinquième directeur général des services. Il arrive. Voilà. Du coup, le cinquième. Donc, on est quand même, depuis votre élection, donc on est quand même dans une situation, parce qu'il peut y avoir le cinquième depuis votre élection. Vous qui êtes un expert en matière de direction générale de cette collectivité, vous devriez savoir que le turnover d'une direction générale est quelque chose qui concerne de nombreuses collectivités. Je vous remercie de m'avoir interrompu, mais effectivement, pour poursuivre, il peut y avoir des changements et ça arrive dans toute collectivité, mais là, on a une instabilité quand même des instances de direction dont je pense qu'il y a peu ou pas d'équivalent. En tout cas, si on regarde par exemple un certain nombre de communes de même taille ou voisines, je ne vois aucun cas comparable. Donc je pense que cela montre quand même une mairie qui donne clairement l'impression d'être à la dérive. Je l'ai évoqué en début de séance sur les affaires, mais elle l'est aussi sur l'organisation du personnel et la stabilité des équipes de direction. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Lyonnais. Nous reconstituons une équipe de direction générale et nous allons réorganiser l'ensemble de l'administration sur la base du projet d'administration qui est issu du projet politique de la majorité municipale. Donc, effectivement, il va y avoir une nouvelle organisation, il va y avoir une nouvelle direction générale. Il y a des recrutements qui viennent d'intervenir et il y aura encore d'autres recrutements. Et en fait, parfois, on aimerait que certains partent, certains s'enquistent dans cette collectivité. En tout état de cause, on a des gens compétents. Vous avez parlé de la directrice générale adjointe ressources qui vient d'arriver. C'est quelqu'un d'extrêmement compétent. On a des cadres compétents. On arrive encore à recruter des cadres compétents. On a cette chance. Et il faut que tout le monde se mette au diapason. Voilà. Mais vous nous parlez de réforme du fonctionnement de manière très récurrente. Non, non. Vous êtes maire depuis 8 ans. Depuis non, non. La dernière refonte de l'organigramme date de 2017, 2016 ou 2017. Donc là, on va refaire un organigramme. Je pense que deux organigrammes en 6 ou 7 ans, c'est quelque chose d'assez classique dans une collectivité locale, puisqu'il faut, il faut évoluer avec son temps. On crée des postes, on recrute, on vient de recruter un chargé de mission de développement durable. Voilà, on s'adapte aux nouvelles attentes qui sont les nôtres. Je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération 12, recrutement d'un contrat d'apprentissage au sein de la direction de l'environnement. Est-ce qu'il y a des observations? Je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Rapport 13, autorisation de recrutement d'agents contractuels sur le fondement de l'article L332-8 du CGCT. Il s'agit d'un chargé de gestion foncière. Est-ce qu'il y a des observations? Allez. J'avais juste posé des questions en commission dont je n'ai pas eu réponse parce que j'ai cru comprendre, puisqu'il y a, si mes souvenirs sont bons, 3 postes qui font l'objet d'embauches de contractuels. Il y a 3 délibérations qui se suivent. Vous nous avez dit souvent que c'était des délibérations préventives que vous preniez au cas où vous ne trouviez pas de fonctionnaire. J'ai cru entendre, parce qu'on m'a raconté, que tout ou partie de ces postes sont déjà pourvus. Donc ce n'est pas une délibération préventive. Donc c'était enfin, le chargé de foncière, si le poste est pour vous, vous me la prenez. Je suis ravi de la prendre. Non, mais là, en l'occurrence, le chargé de gestion foncière. Le suivant. Je suis heureux de l'apprendre. Graphisme acoustique, il est effectivement pourvu. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Mais pas gestion foncière, on est sur gestion foncière. Oui, on a bien donc cru le poste n'est pas pourvu. On a bien cru comprendre que la gestion foncière avait quelques soucis en ce moment. Vous êtes bien placé pour le savoir. c'est en ce moment qu'il y a ces problèmes-là. Est-ce que. Non, mais vous êtes bien placé pour le savoir. Je souhaite pas simplement si vous voulez, que mais sur ce poste-là, vous ne recrutiez pas cette fois-ci. Puisqu'il y a un précédent au service urbaniste, quelqu'un sans expérience en matière foncière et d'urbanisme. On recrute des gens compétents, à l'image de ce que vous avez pu vous-même être au sein de cette collectivité, à l'OPH ou ailleurs. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des observations sur cette délibération? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Même délibération pour un graphiste maquettiste, directeur artistique. Est-ce qu'il y a des observations? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient, c'est approuvé. Même délibération référent prévention sécurité incendie. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient, c'est approuvé. Autorisation de renouvellement de contrat pour une durée indéterminée d'agent sur le fondement du même article. Est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observation. Qui est pour? Qui est contre? C'est approuvé. Délibération 17, modification des indemnités d'astreinte d'intervention allouées au personnel titulaire, stagiaire et contractuel budget principal de la ville. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Rapport 18, présentation du rapport de la CLECT. Olivier. On a deux rapports de la CLECT. Le rapport annuel classique qui retrace l'ensemble des flux entre Est Ensemble et Bagnolet pour les charges des compétences transférées. Et on a le rapport de CLECT spécifique lié au transfert de la médiathèque donc au 1er juillet 2022 entre Bagnolet et Est Ensemble. C'est un transfert qui va se faire avec un impact financier qui est lissé jusqu'en 2027, puisqu'on a défendu auprès d'Est Ensemble le fait que les matrices de calcul qui étaient les siennes et qui étaient appliquées dans d'autres communes d'Est Ensemble qui sont avec des équipements publics anciens, notamment à Bobigny, ne pouvaient pas être appliquées à Bagnolet, puisque la médiathèque est dans un bâtiment qui est assez récent, qui est un bâtiment par ailleurs qui a des fonctions partagées avec une copropriété, et que les gros travaux de rénovation à venir n'étaient pas du tout du même niveau que ceux qui pouvaient être attendus pour les autres bâtiments d'Est Ensemble, qui sont beaucoup plus anciens et qui occupent l'intégralité du bâti qui leur est destiné. Donc on a prévu du coup un lissage des coûts afférents jusqu'en 2027, et c'est seulement à partir de 2027 que le coût du transfert prendra son impact intégral pour ce qui est du FCCT. Donc on met le rapport 19 en même temps. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus ? Pas d'observation. Qui est pour approuver le rapport 18 ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé le rapport 19. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé rapport numéro 20, extinction de créances suite à une procédure de surendettement. Olivier. Délibération très classique, on tire les conséquences de décisions de la Banque de France sur des procédures de surendettement. Des remarques ? Pas de remarques. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé rapport 21, rapport d'utilisation du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France. FSRIF 2021. Olivier. Donc c'est un rapport obligatoire. Je rappelle qu'on doit, au titre de cette dotation de péréquation, donc faire apparaître l'ensemble des dépenses qui relèvent des politiques sociales, notamment de désenclavement, qui participent de la politique de la ville, qui ont pu être financées à l'aide de cette dotation, même si la dotation n'est pas fléchée directement par la loi sur le financement de ces politiques publiques. C'est plutôt une mise en rapport entre l'effort porté sur ces politiques publiques et l'effort consenti par la solidarité intercommunale avec ce dispositif de péréquation. Des remarques, des observations ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Rapport 22, subvention complémentaire pour la future antenne du centre de quartier Anatole France au titre de la dotation politique de la ville pour un montant de 153 866 euros. Est-ce qu'il y a des remarques, Monsieur Vionnet ? Oui, donc très bien qu'il y ait une subvention au titre du DECIL. Par contre, j'avais quand même une DPV, question. DPV. Comment ? C'est DPV. Ah oui, pardon. Non, pardon. J'avais juste une question, parce que donc, en regardant les choses, j'ai vu que c'est un local que la ville n'a pas acquis, qu'elle loue. Près de Polylogie. Et du coup, la seule question que je me posais, c'est qu'on y engage quand même, même s'il y a une part de subvention, plus de 400 000 euros de travaux sur un local qu'on ne maîtrise pas et dont nous ne sommes que locataires. Donc je me posais simplement la question du montant d'investissement rapporté à un local qu'on ne maîtrise pas de manière pérenne. Et donc, en fait, il aurait fallu l'acheter ? En tout cas, je pose la question. Est-ce que M. Vionnet aurait fallu acheter le local que nous louons Moi, je n'étais pas dans ces discussions, mais il me semble que c'est légitime de se poser la question de dire plus de 400 000 euros d'investissement, ce n'est pas 40 000 euros de petits travaux. C'est plus de 400 000 euros d'investissement dans un local dont nous ne sommes que locataires. Mais alors effectivement, l'acquisition peut être une solution. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres, mais vous êtes d'accord, vous questionner sur la question. Mais il est important d'avoir un équipement public dans ce quartier. Oui. Et je pense que l'effort consenti, les habitants du quartier le méritent, il me semble. Tout à fait. Mais ça, on a déjà eu l'occasion, ce dossier, il n'est pas tout à fait nouveau sur la rue Anatole France. La subvention aussi, elle est nouvelle. Jamais, la subvention, elle jamais est nouvelle. Nous n'avons remis en cause la création d'un équipement sur la rue Anatole France. La rue Anatole France, qui a d'ailleurs bien besoin, globalement, de requalification. Mais voilà, je vous posais une question strictement financière là, sur l'utilisation des deniers publics par rapport à un local dont nous ne sommes que locataires. Donc, je vous ai répondu. Voilà. Je pense que c'est une bonne chose pour le quartier Anatole France, pour le quartier du Plateau, d'avoir cette antenne. Et je me félicite qu'on ait réussi à obtenir une subvention complémentaire auprès de l'État, parce que là, on parle d'une subvention complémentaire. Je rappelle qu'on a délibéré en juin sur les dispositifs DPV. Mais libre à vous de faire exprès, depuis le début de cette séance, de ne répondre à aucune question ou interpellation, quel qu'en soit le sujet. Mais là, je vous réponds. Là, pour le coup, ma question n'était pas... Je vous explique. La ville de Bagnolet... Non, alors, je vais vous parler français. La ville de Bagnolet a loué pendant des années des logements au rez-de-chaussée du bâtiment Logirel, qui faisait office d'antenne du centre de quartier, si ma mémoire est bonne. Je peux me tromper, mais... Tout à fait. Donc, vous ne vous êtes pas posé la question à l'époque, est-ce qu'il était légitime de louer des logements à Logirep pour l'antenne du centre de quartier. Donc là, en fait, on fait un effort important dans le quartier. Effectivement, il a un coût et on a des locaux neufs et on s'en félicite. Donc je vous réponds, je n'ai absolument pas peur de vous répondre, monsieur Lionel. On a loué des logements en rez-de-chaussée qui étaient devenus désuet, on va dire. Et donc là, on investit pour le quartier Anatole France et pour les habitants qui s'en félicitent, je le pense. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur cette délibération ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante. Convention. Pardon, je suis allé trop vite. Changement de dénomination de l'actuelle rue Paul-Vaillant-Couturier en rue Marie-Claude et Paul Vaillant Couturier. C'est une demande des habitants qui est récurrente, donc paraît légitime de procéder à ce changement de dénomination. Est-ce qu'il y a des remarques ? Madame Félix. Merci, monsieur le maire. Oui, donc il s'agit aujourd'hui d'associer le nom de Marie-Claude Vaillant Couturier à celui de Paul pour la rue de notre ville, qui porte son nom. L'associé, certes, mais bien que son destin était largement indépendant de celui de Paul, décédé à la fleur de l'âge. Ils n'auront eu qu'à peine 4 ans de vie commune et elle gardera son nom. Alors, permettez-moi de commencer par un détour, celui de suggérer que la mémoire évoquée au travers des noms de nos rues est aujourd'hui très anthropocentrée et qu'il conviendrait d'avoir une réflexion pour replacer l'humain au sein d'un meilleur équilibre. Au sein des écosystèmes qui nous entourent et qui sont nécessaires à notre survie et aussi au sein du cosmos. Je découvrais tout récemment une rue de l'eau et des enfants. Alors, mais aujourd'hui, c'est d'une femme dont nous allons parler. Elle devient reporter photographe à 20 ans, ce qui est une profession à l'époque exclusivement masculine et ce qui lui vaut le surnom de dame au relais flex. En 1933, elle part pour le magazine Vue faire une enquête sur la montée du national-socialisme et prend des clichés des camps d'Orianenburg et de Dachau. En décembre 1933, elle s'installe avec Paul Vaillant-Couturier et travaille pour le journal L'Humanité et la revue Regard. Elle signe ses reportages sous le nom de Marivaux. Elle confirme une activité politique en adhérant à l'Association des écrivains et des artistes révolutionnaires, aux Jeunesses communistes, et participe en 1936 à la fondation de l'Union des jeunes filles de France. En 1937, elle épouse Paul Vaillant-Couturier, qui décède une dizaine de jours plus tard. En 1938, elle devient directrice du service photographie de l'Humanité. En 1939, avec la guerre, l'activité de l'Humanité est interdite. Elle entre en résistance et participe à des publications clandestines avec Georges Politzer et Pierre Gainsberger, dit Pierre Villon. Elle assure une liaison entre la résistance civile, le comité des intellectuels du Front national de lutte pour l'indépendance de la France, et la résistance militaire, l'organisation spéciale. Elle est arrêtée le 9 février 1942 par la police du régime de Vichy. Après un séjour de 6 mois au fort de Romainville, elle est déportée avec le fameux convoi des 31 000 vers Auschwitz-Birkenau, avec d'autres résistances, dont Daniel Casanova. Son courage, sa maîtrise de la langue allemande, sa solidarité avec ses autres camarades qu'elle soigne, font qu'elle survit à cet enfer qui se prolonge au camp de Ravensbrück. À la libération du camp le 30 avril, elle reste encore jusqu'au 25 juin pour aider pour prodiguer des soins aux prisonnières, ce qui lui vaut une citation dans le journal Le Monde le 16 juin 1945. Elle retrouve heureusement sa famille et Pierre Villon, qu'elle épousera en 1949, et elle adopte son fils. Elle est homologuée commandant de la résistance intérieure française et siège aux assemblées constituantes provisoires. Celle du 7 novembre 1944 ne comptait que 16 femmes et celle du 21 octobre 1944 en comptait 33 seulement. Elle est élue députée de la Seine dès 1946, puis du Val-de-Marne à partir de 1967. Elle est deux fois vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle milite également dans des organisations féministes. Dès 1946, elle est secrétaire générale de la Fédération démocratique internationale des femmes. Et en 1979, elle est vice-présidente de l'Union des femmes françaises, devenue femme solidaire. Alors enfin, en 1946, elle témoigne au procès de Nuremberg. En 1964, suite à un procès contre le révisionniste Paul Racinier, elle défend devant l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à rendre imprescriptible le génocide et les crimes contre l'humanité. Donc cette proposition donne lieu à la loi du 26 décembre 1964 qui inscrit l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité dans le droit français. En 1987, elle est appelée à témoigner contre Klaus Barbie. Et lors de la création de la Fondation pour la mémoire de la déportation en 1990, elle est désignée unanimement présidente, puis présidente d'honneur jusqu'à son décès le 11 décembre 1996 à Villejuif. Marie-Claude Vaillant-Couturier est une grande femme qui a marqué l'histoire. Honorons sa mémoire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Je voulais juste, dire que nous nous félicitons de cette dénomination qui avait déjà été évoquée. D'ailleurs, je me souviens que, si mes souvenirs sont bons, que notre collègue Mohamed Jenan l'avait évoqué en conseil municipal. Et donc, merci à Edith des mots qu'elle a prononcés. Et c'est une modification de dénomination de la rue dont nous nous félicitons. Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, convention d'occupation du domaine public pour l'installation et l'exploitation d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques sur voirie. Alors, je continue. Il s'agit d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques sur voirie. Donc, nos modèles de mobilité sont bouleversés par l'impératif de remédiation au changement climatique. Et ils sont concrètement impactés par la hausse du prix ou la pénurie des hydrocarbures. Bagnolet pourrait apparaître comme un modèle où la part modale des piétons et des personnes en transport en commun est largement majoritaire et où l'usage des mobilités actives comme la marche et le vélo est en forte expansion et soutenu par les pouvoirs publics. La part des déplacements en véhicule individuel reste autour de 20%. Sur ce parc automobile, la mise en place de la zone à faible émission engage à revisiter les énergies de propulsion. La ville a entrepris une démarche d'électrification de son parc automobile. Et pour accompagner les particuliers dans cette démarche, elle propose aujourd'hui la mise à disposition sur le domaine public d'infrastructures de recharge de véhicules électriques, donc les IRVE, en lieu et place des anciennes stations Autolib. C'est dans l'air du temps, Bagnolet ne peut pas présenter un vide dans le moyage en cours de déploiement dans les communes voisines. Donc voici quelques chiffres pour comprendre les choix de dimensionnement qui ont été faits. En 1921, selon les chiffres de la ZFE, pour Bagnolet, on compte 43 véhicules électriques et 57 hybrides rechargeables. soit un total de 100 véhicules pour un parc de 10 081 véhicules. Donc c'est 1%. Donc même si le service doit également bénéficier à des non-bagnoletés de passage, le choix de concéder 4 bornes sur chacune des 6 stations existantes paraît largement suffisant. La ville de Bagnolet, n'ayant pas les moyens d'opérer le service en régie, le seul modèle rentable, elle a organisé une analyse des offres des 4 principaux opérateurs, Donc il y a 2 syndicats d'énergie, le CIGIF et le CIPEREC, Métropolis, qui est l'offre portée par la métropole du Grand Paris, et un opérateur privé, Electric 55 Charging. L'offre de Métropolis a été retenue sur un modèle sans transfert de compétences et pour une durée limitée à 15 ans. Noterez que les syndicats, là-dessus, fonctionnent selon un modèle exigeant le transfert de compétences et pour une durée illimitée. Le groupement Métropolis offre de plus à la ville 500 euros de droit d'entrée par borne, duquel seront déduits des petits investissements pour le marquage au sol et la sécurisation des bornes. Donc il s'agit ici de convertir le service de mobilité complet qu'était Autolib, un service clé en main sur le modèle de l'autopartage. Ce service avait vocation à transformer les usages de mobilité pour permettre aux particuliers de s'affranchir de la possession d'un véhicule particulier ou permettre à ceux qui ne peuvent pas entretenir un véhicule d'y accéder. C'était un service pour toutes et tous. Aussi, il nous semble indispensable d'adopter très prochainement, dans la foulée de cette première proposition de borne IRVE, une offre d'autopartage qui remplacera le service initial. Édouard, tu veux dire un mot ? Oui, juste dire que on gagnera à ce que l'ensemble des services se maille et qu'il y ait effectivement des bornes IRVE, l'adjonction de services d'autopartage et d'autres services de partage qu'on pourrait penser ou améliorer, comme l'extension des bornes Vélib, par exemple, dans la ville, ou autres encore qu'on pourra travailler ensemble. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Pas d'observation ? Qui est pour ? Qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Je vous remercie. Une série de délibérations qui concernent la CPA Lanou. 25, 26, 27, 28. Olivier. Donc sur l'opération de la CPA Lanou, vous savez, dans le cadre de la première phase du projet, un certain nombre de travaux ont été réalisés sur le domaine public, communal, transférés pour la réalisation de ces travaux à Sequano, anciennement Deltaville, Sempact 93, et qui ont été réalisés pour la plupart jusqu'à encore très récemment, puisque les levées de réserves ont pu être faites jusqu'à la fin de l'année 2021, même début 2022, notamment pour l'équipement public mixte, qui est celui de la crèche et du centre de quartier Tofoletti. Aujourd'hui, il est nécessaire donc pour la ville de récupérer la pleine propriété de ces équipements, de ces espaces publics qui avaient été transférés pour la réalisation de ces travaux, de manière à préparer évidemment la clôture définitive de cette première phase de travaux sur la zone Lanou. Elle est différente de la question des biens de reprise, puisque les biens de reprise sont des biens qui ne sont pas affectés, qui n'étaient pas affectés, pardon, à ces services publics et qui font l'objet, vous le savez, d'un traitement à part et dont on a déjà eu l'occasion de parler. Là, il s'agit de récupérer ces espaces publics et notamment l'équipement public Tofoletti. Et donc, on sera amené à délibérer plus tard sur les biens de reprise. Est-ce qu'il y a des remarques ? Monsieur Vionnet, allez-y. Oui, plusieurs remarques ou questions. Bon, c'est une opération... C'est une opération longue qui commence à prendre fin. D'ailleurs, puisque vous avez joué à rappeler mon passage, que personne n'ignore dans cette ville, au sein des services de la ville, il y a un certain nombre d'années, quand on voit la délibération initiale de 2003, on voit que vous y apparaissez comme adjoint de Marc Everbeck. Absolument. Donc ensuite, moi j'avais pas qu'on s'était occupé du bâtiment 6. Je vois monsieur Le Hachet qui sourit. J'avais 3 remarques ou questions. Une première remarque financière. Donc, j'ai bien vu que le reste à payer pour la ville était de 1 200 000 euros, auxquels s'ajoutent 800 000 euros de, si j'ai bien lu, frais de gestion et rémunération complémentaire de Sequano. Et du coup, je voulais quelques explications sur ce montant, parce que l'opération ait duré plus longtemps et qu'il y ait des frais de gestion supplémentaires à la société d'économie ce qu'il porte, je le conçois sans problème. Mais là, on est quand même sur un montant de 800 000 euros. Et sauf erreur de ma part, en regardant les nombreux papiers relatifs à cette concession, je n'ai pas vu de détails sur la question. Deuxième chose, c'est juste une remarque brève. J'ai vu que les travaux étaient effectués par Eiffage, qui est décidément une société fort bien vue dans notre ville. Et je sais que par ailleurs, les habitants de l'avenue de la République qui ont manifesté leur inquiétude sur le projet que vous portez avec Eiffage n'ont-ils dit aucune nouvelle sur le sujet depuis les réunions qui s'étaient tenues. Et puis, troisième question, c'est celle sur les biens en retour, puisqu'effectivement, ça pose la question d'un certain nombre de biens dans le volume de la concession de l'ANOU qui devaient être vendus, puisque c'est ce que vous nous avez expliqué lors de la dernière délibération. Ça concerne notamment les locaux utilisés par Verdragon. Où d'ailleurs les documents qui figurent dans tout le dossier de la CPA rappellent que ça prend fin en avril 2022. Là, ça se poursuit, je vous le confirme. Oui, j'ai bien compris. Donc voilà, parce que nous sommes en octobre 2022. J'ai noté comme par hasard tous les biens qui étaient identifiés trouvaient preneur, mais que celui-là est le seul bien décrit sans offre sérieuse. Et par rapport à l'inquiétude qu'on avait évoquée à la fois sur le fonds relatif à cette association, mais aussi sur la mise à disposition des locaux sur des biens censés être vendus, je lis d'ailleurs ce qu'écrit votre délégataire, Sequano, qui déjà dans le crack de l'an dernier avait bien expliqué que tout ceci n'était pas de son initiative, mais était à la demande expresse de la ville. Et là, il écrit dans la page de conclusion, « L'occupation actuelle des lots faisant l'objet de conventions d'occupation précaires ou de bails dérogatoires constitue une difficulté de gestion importante du foncier. L'encadrement et les conditions d'occupation imposées dans ces conventions ne sont pas entièrement respectées. » Donc, je n'en sais pas plus, mais je lis ce qu'écrit votre délégataire. En l'occurrence, le local qui est sur la dalle n'a pas trouvé preneur. Le local de Body One non plus. Les entrepôts, c'est en cours. Mais si vous voulez, rassurez-vous, Sequano a désigné un second commercialisateur pour pouvoir vendre de manière plus efficiente le sujet. Mais la difficulté ne concerne pas que les locaux occupés par Verdragon sur lesquels vous semblez insister. Il y a aussi, on a eu quelques sujets qui sont encore en cours et qui ne sont pas réglés. Sur la recyclerie et sur les anciens locaux GFF. Olivier. Alors, pour préciser, donc, évidemment, dans les 800 000 euros, je vous rassure, il n'y a pas exclusivement la rémunération de l'opérateur. C'est, je crois que c'est 75 000 euros par an, de mémoire, puisque je rappelle que la prorogation porte sur 18 mois, mais donc c'est à peu près 150 000 euros, de mémoire. Donc, ce n'est pas tout à fait, du coup, c'est 100 000, je pense, 100 000 et 50 000. Je rappelle qu'il y a deux ETP, il y a deux personnes au niveau de Sequano qui sont en suivi régulier, permanent du dossier, sans vous dire que ça correspond à deux ETP pleins, mais en tout cas, il y a deux personnes au niveau de Sequano qui travaillent. Et donc, il y a à la fois, évidemment, la rémunération de ces ETP et puis la rémunération normale de ce type de prestation. Ensuite, vous avez les charges, donc à la fois les charges liées au fluide, notamment, qui sont liées à la propriété par Sequano d'un certain nombre de locaux, notamment de locaux techniques, mais aussi de locaux d'entrepôt, comme vous avez justement rappelé. Puis il y a les taxes, puisque la particularité, c'est que comme Sequano assume la propriété temporaire de ces locaux, elle est assujettie à la taxe foncière, notamment. Et la principale dépense en fait afférente à cette opération, dans ces 800 000 euros, c'est la taxe foncière. Donc l'ensemble de ces charges font ces 800 000 euros. Et effectivement, il y a eu plusieurs offres sur certains des locaux, notamment sur le local GFF qui a été scindé en deux entre d'une part la recyclerie et d'autre part un nouveau local. On a eu une première offre qui était insatisfaisante. On a une deuxième offre qui est sensiblement supérieure, de mémoire 370 000 euros, conforme à l'évaluation du marché, puisqu'on n'est pas sur les domaines, hein. C'est quoi nous, on est sur celle du marché immobilier, spécifiquement pour les locaux commerciaux et entrepôts. Une autre offre sur un autre local pour 700 000 euros. Et enfin, la question donc du local ex-Body One, pour lequel il y avait eu une offre très inférieure effectivement au prix estimatif, et donc un deuxième commercialisateur mobilisé pour trouver une offre qui soit plus en phase avec le produit légitimement espéré. Je précise que pour ce qui est des locaux à 720 000 et à 360 000 euros, Sequano a été autorisé par la collectivité, étant donné le niveau de prix, à entrer dans une phase de vente à destination donc des soumissionnaires, et que dès lors que ces ventes interviendraient, par exemple, avant le 31 décembre 2022, elle ne pèserait plus dans les 800 000 euros de charges sur la partie taxe foncière, par exemple, ou sur la partie gestion. Donc c'est une somme qui reste estimative jusqu'à la fin du traité de concession, mais si le périmètre devait être corrigé avant, évidemment, ce montant final serait, au moment du dernier avenant de clôture, adapté en fonction de la charge effectivement supportée par Sequano. Je vous remercie. Merci, Olivier. Édouard. Un petit élément complémentaire, puisque vous semblez avoir une focale très affûtée sur l'association Vert Dragon, et que, sempiternellement, vous perpétuez votre croisade. Vous avez interrogé tout à l'heure le fait... Oui, croisade. Croisade. Oui. Vous avez tout à l'heure interrogé le fait qu'on soit des élus de gauche écologistes. Sortez de vos certitudes. Allez voir ce qui s'y passe. Si vous avez un problème de fond, venez à la présentation du livre sur l'écoféminisme de Lorraine Bastide mardi prochain, le 11 octobre, et cessez d'essayer de dépeindre ceux qui ne vous ressemblent pas exactement comme des adversaires politiques. Madame Desbordes-Silly. Oui, alors, je n'avais pas prévu d'intervenir maintenant, mais je pense que, enfin, on est bon, les leçons de morale venant de vous, à ce moment politique très particulier, c'est tout à fait inapproprié. Parce que là, on voit bien ce que vous êtes en train de faire de façon extrêmement subtile, on peut le reconnaître, c'est de mener ce conseil municipal à marche forcée pour l'expédier, puis on ne va pas évoquer les sujets qui fâchent. Si, monsieur le maire, on va peut-être parler de ce que vous, tout à l'heure, vous avez refusé de me donner la parole. Je la prends et j'espère que votre conception de la démocratie, c'est aussi un peu de débat et que vous n'allez pas museler les oppositions. Parlons de l'affaire aujourd'hui qui agite Bagnolet, dans laquelle vous êtes directement, personnellement impliqué. Je crois qu'on la doit, la vérité, aux Bagnoletais. Puis en plus, les Bagnoletais nous demandent aussi d'évoquer cette affaire-là que vous essayez de façon extrêmement habile, encore une fois, de mettre sous le tapis. Alors revenons aux faits. Le 16 septembre dernier, Le Parisien a révélé que vous étiez, vous, monsieur le maire, poursuivi en justice dans une affaire d'emploi fictif, l'affaire d'emploi fictif, et que le ministère public avait requis, Pierre Vionnel a rappelé tout à l'heure, une peine d'emprisonnement d'une année avec sursis. Une année avec sursis, pour détournement de fonds publics. Alors, naturellement, la présomption d'innocence, derrière laquelle vous n'allez pas moquer de vous réfugier naturellement... Elle n'a pas l'air de vous concerner. Pardon ? Ça n'a pas l'air de vous préoccuper, la présomption d'innocence. Et je vais en parler. Parlons-en de la présomption... Voilà, on va en parler, on en parle de la présomption d'innocence. Voilà. Mais vous allez vous réfugier derrière, naturellement. Je pense que vous faites ça depuis déjà plusieurs semaines. Nous oblige à un devoir de réserve, mais pas seulement la présomption d'innocence. On a reçu aussi il y a quelques menaces, quelques intimidations, elles aussi très subtiles, qui est de toute façon auquel on est habitué, mais de toute façon, nous avons observé sur ce. Nous ne sommes pas juges, nous ne présumons pas du verdict qui sera rendu dans quelques semaines, et donc nous avons naturellement un devoir de réserve. Mais un devoir de réserve, ça ne veut pas dire accepter le silence que vous nous imposez sur cette affaire, l'opacité. Il me semble qu'on a l'obligation ici de relever la gravité de la situation et la honte que cette affaire représente pour Bagnolet. La honte. Pourquoi la honte ? Parce que vous rejoignez Laurent de ces quelques maires, de cette poignée de maires qui ont fait l'objet de poursuites judiciaires. Je ne parle pas d'inculpation ici, je parle de poursuites judiciaires. Un chiffre. En 2020, sur les plus de 30 000 maires de France, il y en a 827 qui faisaient l'objet de poursuites judiciaires ou qui avaient fait l'objet de poursuites judiciaires. C'est très peu, c'est heureux, mais c'est encore trop parce que ces maires-là, ils représentent une honte pour la démocratie, mais un péril pour la démocratie. Pierre l'a rappelé tout à l'heure, les démêlés judiciaires des élus, qu'ils soient condamnés ou non, creusent le fossé qui est déjà béant entre les citoyens et les institutions, et ils renforcent la défiance et la suspicion. Nous en avions déjà abondamment parlé en 2021. Les mois passent et nous avons le sentiment de ressasser parce que non seulement la situation ne s'arrange pas, mais la situation du point de vue de l'éthique politique et de la morale politique se dégrade. Alors, l'accumulation des affaires judiciaires, on l'a dit, elle jette le discrédit sur l'ensemble du territoire, mais elle jette le discrédit aussi sur l'ensemble des habitants. Quelle image contribuez-vous à renvoyer de notre ville ? Celle d'une commune, j'entends, ça fait rire certains, c'est chouette, l'ensemble, une commune où la corruption, les manquements répétés à la probité semblent endémiques, enracinés, associés à une gestion hasardeuse des deniers publics et un endettement record. Je ne parle même pas de la flambée de la fiscalité, puisque bien entendu, naturellement, vous n'y voyez, évidemment, vous allez dire que ça n'a aucun lien. Alors, en début de mandature, nous vous avions demandé, nous, groupe d'opposition, de donner des signes forts de changement en matière d'éthique politique, de mettre en cohérence vos engagements de campagne et vos actes. Nous vous avions suggéré de mettre en place et de convoquer régulièrement un groupe de travail sur la transparence de la vie publique locale. Vous y avez renoncé. Cette instance a disparu dans les faits. Elle n'a pas été convoquée depuis plus d'un an, semble-t-il. Donc, elle a disparu, non pas formellement, mais dans les faits. Vous vous étiez engagé à désigner un ou une déontologue. Bon, un an plus tard, il n'y a pas plus de déontologue que de beurre en broche. Ou alors, évidemment, nous n'y avons pas été. Vous l'avez peut-être recruté, mais on a oublié. Vous avez oublié, comme souvent, d'en informer le groupe d'opposition. En réalité, qu'est-ce qui se passe ici ? Vous n'avez jamais engagé de lutte réelle contre la corruption ou en faveur de la transparence. Vous pratiquez l'opacité, c'est votre ADN. Malheureusement, aujourd'hui, vous êtes rattrapé par les affaires et vous êtes, vous, monsieur le maire, personnellement mis en cause. Vous êtes rattrapé par les affaires et pourtant, vous êtes toujours en place à cette date. Quelle incohérence ! Quelle incohérence ! L'année dernière, vous avez démis de vos fonctions, monsieur Karamoko Sissoko, avant même son inculpation, alors même qu'il bénéficiait de la présomption d'innocence. Vous l'avez démis de ses fonctions, 5 jours après que ses agissements aient été révélés dans la presse. Vous l'avez démis de ses fonctions exécutives alors qu'il bénéficiait de la présomption d'innocence. Vous avez considéré que les agissements pour lesquels il était poursuivi en justice n'étaient pas conciliables avec l'exercice de ses fonctions exécutives. Vous avez supposé qu'il ne disposait pas de l'autorité morale nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Alors, expliquez-nous, expliquez aux Bagnoletais ce soir, aujourd'hui, pour quelles raisons vous ne vous appliquez pas à vous-même ce que vous avez demandé à votre ancien conseiller municipal. Expliquez-le nous. Est-ce que vous considérez, peut-on considérer collectivement qu'il faille un traitement différencié dans le cadre des atteintes à la probité, le deux poids, deux mesures ? Je rappelle que vous avez signé en 2014 la charte Anticor qui vous engageait à suspendre un élu mis en examen pour des délits d'atteinte à la probité dans l'exercice de son mandat. Donc ce soir, et je terminerai par là, nous vous demandons simplement de respecter vos engagements. Votre autorité est rongée, vous le savez pertinemment. Les poursuites dont vous faites l'objet vous privent de l'autorité morale nécessaire à l'exercice de vos fonctions de maire. Le sens de l'intérêt général et de l'éthique aurait dû vous conduire à vous démettre de vos fonctions et à vous mettre en retrait. C'est à cette seule condition que pourront être restaurés à Bagnolet un climat de confiance et une culture de la transparence qui garantissent l'intégrité des décisions politiques et la prévalence à Bagnolet comme ailleurs de l'intérêt général sur les intérêts privés. En matière d'intérêt privé, vous devriez faire preuve de discrétion, chère Madame Desbordes-Civy. Expliquez-vous. Je ne m'explique pas. Expliquez-vous. Sous-entendu. En fait, Monsieur Vionnet, Madame Desbordes-Civy, on n'est pas au tribunal ici, on est au conseil municipal. Émilie Trigot. Voilà, donc personne ne va s'expliquer, on va juste s'écouter et prendre la parole dans l'ordre des demandes de prise de parole. Je ne vais pas être très longue, je me permets moi de répondre parce que c'est beaucoup plus transparent, vous qui êtes si demandeur de transparence, que ce ne soit pas Monsieur le maire lui-même qui réponde aux attaques dont il est sujet tout de suite. Vous parlez de présomption d'innocence, il aurait été de bon ton d'attendre 3 semaines avant de juger quelqu'un qui n'a pas été jugé. Nous en reparlerons au prochain conseil municipal. Mais aujourd'hui, ce n'était certainement pas le lieu, surtout quand on se targue de respecter la présomption d'innocence. Vous l'avez signalé, il a été requis 1 an avec sursis. Il n'a pas été requis de peine ferme, il n'a pas été requis de peine d'inéligibilité. Quand il s'agit d'un maire en place, on peut justement s'interroger sur pourquoi ceci n'a pas été requis. Par ailleurs, si vous avez suivi de très près, je ne doute pas que vous l'ayez fait, les 3 personnes mises en cause sont toutes les 2 la même peine requise, et ça aussi, c'est particulièrement étrange. Comme je ne suis pas juge, en tout cas moins que vous manifestement, je ne me permettrai pas de juger avant que le jugement soit rendu. Ensuite, vous parlez d'avoir été rattrapé par les affaires. Une affaire qui concerne un agent. Voilà, une affaire, un agent. Nous verrons ce que la justice en dira. Et enfin, puisque vous voulez tellement être transparente et qu'on ne s'applique pas le 2 poids 2 mesures, personne n'a démis de ses fonctions à conseiller municipal l'année dernière. Un conseiller municipal qui a été mis en examen a immédiatement et dans la minute envoyé sa démission. Il se trouve qu'il devait savoir au fond de lui qu'il était coupable et il a été jugé coupable. Il a démissionné, tant mieux, on ne pouvait pas souhaiter autre chose. Et effectivement, c'était l'issue évidente qui aurait dû en suivre, mais la situation n'est pas du tout la même. L'histoire, elle est écrite, et on peut essayer de la réécrire, mais des fois, ça ne marche pas. Rapidement. J'imagine sur la CPA, c'est ça, non ? Sur la Convention publique d'aménagement. Ça va me manquer, ces coupures de parole. En fait, ne faites pas dire à Angéline ce qu'elle n'a pas dit, en fait. Enfin, je veux dire... Ça a été très clair. N'interprétez pas ce qu'elle n'a pas dit. Okay. On a bien parlé de présomption d'innocence. On est en attente du procès, mais on est en droit de se poser les questions et on est en droit de s'inquiéter, d'autant plus que vous n'êtes pas sans savoir que malgré tout, il y a des administrés qui nous interpellent, qui nous posent des questions. On est là, on les représente. On représente aussi des gens, comme vous représentez des gens, peut-être un peu moins. Mais nous, on en représente peut-être un peu plus. Un peu moins de gens que vous. Mais en tout cas, voilà. Enfin, je veux dire, donc, n'interprétez pas, c'est toujours la même chose. Et sur l'interprétation, Monsieur Desnoyelles, parce que je vais revenir justement à vos petits mots, les croisades, ça s'apparente à de l'intimidation, ce n'est pas la première fois. Si, ça s'apparente à de l'intimidation. Donc, il faut arrêter ces petits sous-entendus. On n'a aucun problème avec aucune association de cette ville. Moi, je suis juste, et d'autres... On est sur le principe d'équité. Quand on parle d'une association, c'est pas une association ne doit pas être la vitrine d'une majorité. On parle de toutes les associations. Il y en a d'autres. Il y a la JDB. Il y a les maisons de quartier aussi. Ouais. Les maisons de quartier. Il y en a plein. Donc, à un moment donné, à aucun moment, pareil, Pierre a sous-entendu quoi que ce soit. Donc, vos petites remarques, vos petits sous-entendus commencent à être très pénibles et dangereux. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Et j'interviendrai pour d'autres délibérations, ne vous inquiétez. Donc, délibération 25, convention publique d'aménagement de la Noue, remise des ouvrages et équipements publics réalisés par Sequano. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération 26, CPA, la Noue, avenant numéro 3 à la convention de transfert de l'opération d'aménagement. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Rapport 27, convention publique d'aménagement de la Noue, avenant numéro 10 à la CPA et avenant numéro 3 à la convention tripartite de subventionnement. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération 28, CPA la Noue, approbation du CRAC 2021. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération 29, acquisition d'un local commercial situé au 4 Berton, auprès de la société civile immobilière AMPM SCI Gionji Biro. On peut faire une pierre deux coups avec la 30, si tu le souhaites. D'accord, merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, il s'agit d'une délibération concernant l'acquisition d'un local commercial dans le centre-ville, situé aux 4 rues Raoul Berton, par voie de préemption. Et c'est dans le cadre du contrat métropolitain signé avec la ville de Bagnolet, centre-ville vivant. Donc, juste pour rappeler, en 2017, la Société économie mixte de la ville de Paris a fait un diagnostic commercial du centre-ville et il a établi une sorte de stratégie de revitalisation commerciale du centre-ville, celui-là. Donc, cette stratégie a été suivie donc, par la ville de manière volontariste pour justement le développement de l'attractivité et la diversité des commerces de proximité, artisanaux et autres. Dans ce contexte, donc, nous avons réceptionné, on arrive au bout donc, en fait, de ce long travail commencé donc, depuis 2017. Nous avons signé donc, le contrat Centre-Ville Vivant en 2020. Et le local en question, nous avons réceptionné donc la déclaration d'intention d'aliéner récemment. Donc ce local a été estimé à un prix de 160 000 euros par le Domaine France. Et nous allons donc aujourd'hui délibérer. Donc, nous vous demandons d'approuver le principe d'acquisition de ce bien, de préciser aussi que ce prix de 160 000 euros est hors droit, hors frais, hors taxes, augmenté des frais de notaire et qui est à la charge de l'acquéreur et il est imputable donc au budget communal. Il s'agit donc en fait de local qui était anciennement occupé par un commerce de fleuristes et le prix de proposition de France Domaine c'était de 151 000 euros. Le propriétaire il nous a notifié en disant qu'il renonce donc à la vente si on ne présente pas au prix demandé. Donc, c'est pour cela que, par voie amiable, la ville, vu l'importance de ce commerce dans le centre-ville, de sa location, donc nous proposons ce prix-là pour l'acquisition de ce local. En deuxième... Excusez-moi, je suis fatiguée. Deuxième délibération, il s'agit de l'avenant du contrat métropolitain du développement centre-ville vivant suite au Covid. Donc, nous avons signé en 2020 ce contrat et il arrive à la fin cette année. Donc, tous les trois actions qui étaient prévues dans le cadre de ce contrat, ils sont en cours. Donc, l'achat du local commercial. La mise en place d'une signalétique et jalonnement pour un montant de 50 000 euros est prévue aussi. C'est entre le métro et le centre-ville et une étude paysagère également. Donc l'avenant devrait être signé pour prolonger ce contrat en 2023. Merci. Juste quelques petites questions, parce que sur l'opportunité de maîtriser des rez-de-chaussée commerciaux pour tenter d'améliorer l'offre commerciale et l'attractivité de Sadi Carnot et de Raoul Berton, on ne peut que partager. Quand je lisais en début de délibération les rappels d'objectifs sur la base de l'étude de la SEMA Est, la recherche de diversité commerciale, je vous cite, mise en péril par l'omniprésence de coiffeurs barbiers, d'agences immobilières, de restauration rapide au détriment du commerce de proximité. On ne peut qu'être d'accord avec vous. La seule question moi, que je me posais sur le volant de l'acquisition, c'est que vous dites qu'il s'agit de mettre en œuvre, vous écrivez, de mettre en œuvre une stratégie, mais sauf à ce que j'ai mal lu, vous n'explicitez pas bien laquelle, et surtout, vous ne dites pas le bien que vous achetez, là, de manière très factuelle, pour quelle destination ? Puisque, sauf erreur de ma part, il est occupé aujourd'hui. Donc, à quelle destination la stratégie, vous le préparez ? La stratégie commerciale, Monsieur Lyonnais, elle a été présentée, je parle en l'occurrence de l'étude CEMAEST, elle a été présentée à la population en 2018-2019, y compris en conseil de quartier. Donc, je vous renvoie à cette étude qui figure sur le site de la ville de Bagnolet depuis un certain temps. Et effectivement, le propriétaire a signé un bail avec le barbier, quand même, vous avez pu le constater, mais ça ne nous empêche pas de poursuivre la préemption et d'acheter les murs. C'est un secret pour personne. Il y a également une préemption en cours sur le local du boucher qui est mitoyen. Et en fait, il s'agit du même local, quasiment. Et les discussions, la préemption a été lancée. Et l'objectif, c'est que la ville se rende propriétaire de ces deux locaux pour pouvoir y accueillir un commerce dynamique, fleuriste, commerce de bouche ou autre. Et le moment venu, une fois qu'on aura acquis les deux locaux, on pourra positionner de manière transparente, de manière publique, le commerce qui aura fait l'objet du choix de la ville. Non, mais ma question là, parce que du coup, comme il est occupé, vous héritez d'un bail. Vous héritez d'un bail en cours que vous ne pourrez pas casser facilement. Ce n'est pas un bail à long cours. Mais il y a effectivement un bail qui a été, on va dire, signé de manière surprenante en fin d'année dernière. Mais l'objectif, c'est de redynamiser la rue, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres... J'avais une deuxième question qui porte plutôt sur le contrat métropolitain. Puisque donc j'ai vu qu'il était destiné à trois actions, dont celle dont on vient de se parler. Et j'ai vu qu'il y a donc, alors c'est peut-être la délibération suivante, non, c'est une seule et même, je ne sais plus. J'ai vu que dans les trois actions figurait une étude paysagère pour un montant de 120 000 euros. Et j'ai lu dans un paragraphe suivant que cette étude sera menée par la direction de l'environnement. Donc, du coup, je n'ai pas compris, c'est une étude que la ville mène en régie ou c'est une étude qu'elle va confier à un paysagiste ? C'est une étude que l'on va mener en régie. Et il y a aussi une étude sur la signalétique de commerce. D'accord. Donc, l'étude paysagère est conduite en régie. À ma connaissance, oui. Jonji, tu confirmes ? Oui, je confirme. Il y a aussi en fait l'étude de signalétique en fait déjà en cours. En fait, ça c'est ma collègue en fait qui va s'en occuper parce que c'est la voirie. Il s'agit en fait de la signalétique du métro vers le centre-ville et qui concerne aussi les commerces bien sûr. Pour l'étude paysagère, ça j'ai pas de justement, mais c'est en cours aussi donc d'étude. Je propose de passer aux voix. Délibération 29, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Délibération 30, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Délibération suivante, garantie des emprunts contractés par séquence auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour l'acquisition en VFA de 94 logements sociaux situés au 205-209 Pasteur, 28-30 Mitterrand. Est-ce qu'il y a des observations ? Pas d'observation. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Délibération 32, avenant numéro 2 à la charte territoriale de gestion urbaine et sociale de proximité pour prorogation du dispositif d'abattement TFPB en 2023. Et donc, on est ravis d'accueillir depuis quelques jours une nouvelle chargée de mission GUSP. Anne Gerval, tu veux dire un mot ? Bonsoir. Je rappelle que la TFPB PB dans les quartiers prioritaires de la ville. Comme vous le savez, un abattement de 30% de la base d'imposition de la TFPB a été institué dans les logements situés dans les quartiers prioritaires de la ville. Ainsi sont élaborées et mises en œuvre des conventions d'utilisation qui doivent être signées localement entre l'État, les collectivités locales et les organismes HLM. Dans ce cadre, la ville de Bagnolet a signé en 2015 une charte territoriale de gestion urbaine et sociale de proximité qui vaut pour convention d'utilisation de l'abattement de cette taxe qui engageait la ville, Est Ensemble, l'État et les bailleurs HLM du territoire sur une durée de 5 ans. Les différents acteurs se sont coordonnés et ont défini un plan d'action quartier par quartier. L'objectif a donc été de mettre en œuvre ce plan d'action commun afin d'améliorer concrètement la vie quotidienne des habitants des quartiers classés prioritaires. Réglementairement, la disposition GUSP concerne la ville de Bagnolet, le quartier du plateau Malassis et Lanoux, 4 bailleurs sont concernés, le quartier de la Capsulerie, dont 3 bailleurs sont concernés. Plusieurs thèmes ont composé ce plan d'action, réalisation d'aménagement, petits travaux de répartition, gestion des déchets encombrants, tranquillité, d'autres thèmes également. La charte a été prorogée par un avenant signé en février 2021 pour une période allant jusqu'au 31 décembre de cette année. La loi de finances pour 2022 a acté la prorogation d'une année supplémentaire pour les contrats de ville en cours, ce qui permettra aux bailleurs de compenser les surcoûts de gestion liés aux besoins de ces quartiers. Afin de prolonger le bénéfice de cet abattement aux bailleurs, il est demandé aux membres du conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 2 à la charte territoriale de gestion urbaine et sociale de proximité pour prorogation du dispositif d'abattement en 2023, d'autoriser monsieur le maire de signer l'avenant numéro 2 de cette charte pour prorogation du dispositif de l'abattement en 2023. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations, Madame Le Bourris? Et bonsoir. Dans le principe, cette charte est très bien car elle diminue de 30% la taxe foncière. Mais si on intègre l'augmentation de 15% que vous avez votée cette année, son effet n'est plus que de 20%. Beau cadeau pour les quartiers populaires. Ces délibérations démontrent bien que l'augmentation de la taxe foncière concerne également les familles qui occupent un logement social dans la ville. Cette charte existe depuis 2016. Elle correspond à un programme d'action qui, si on en croit les graphiques présentés en annexe du rapport, est loin d'être appliqué. Ainsi, pour le quartier de la Capsulerie, rien que pour l'OPH, sur 1 298 508 euros prévus, seuls environ 300 000 euros sont ventilés. On se demande où sera dépensé le reste. Cette réflexion concerne également tous les bailleurs sociaux et les deux quartiers concernés. En conclusion, cette exonération devrait permettre une redistribution en direction des quartiers les plus défavorisés et on voit bien que les habitants n'en bénéficie quasiment pas. On a hâte de l'évaluation finale. Bon, on ne va pas polémiquer, mais concernant le quartier de la Capsulerie, Madame Le Bourris, si vous avez participé aux réunions du conseil de quartier et si vous suiviez l'activité, vous auriez su que l'OPH a voté, le conseil d'administration de l'OPH a voté un programme de réhabilitation des bâtiments TH7 TH8, que par exemple la réfection d'un des deux ascenseurs de TH8 a déjà été engagée et que la réfection du second ascenseur va démarrer. Donc si vous voulez dire qu'on abandonne les quartiers populaires comme vous le laissez entendre, c'est faux. Dire que par un artifice, je n'ai pas bien compris votre argument, que l'augmentation de la taxe foncière allait avoir une conséquence pour les habitants des logements sociaux, je n'ai pas bien compris parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas touché à la taxe d'habitation, mais bon, Mais la taxe foncière ne concerne pas les locataires, Madame Le Bourris. Ben non, la taxe foncière concerne les propriétaires. Enfin, j'ai pas compris en fait. Allez-y. Ça, les biens appartiennent bien à quelqu'un. Il y a bien un bailleur, et le bailleur est bien propriétaire. Le bailleur paye effectivement la taxe D'accord. foncière. D'accord, donc il y a forcément un impact. C'est l'OPH qui paye la taxe foncière. Il y a forcément un impact. Si on augmente la taxe foncière, il y a forcément un impact sur les loyers. Et en plus, la délibération, ce rapport l'explique le bien, puisque ça parle de la taxe foncière. Donc on diminue de 30% la taxe foncière pour pouvoir faire des travaux. Mais en même temps, vous avez voté une augmentation de 15% de la taxe foncière, ce qui veut dire qu'en fait, là, l'effet ne sera plus que de 20%. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, les locataires ne payent pas la taxe foncière. Non, mais ça, moi aussi, c'est ce, vous, voilà, c'est ce que vous avez expliqué, donc j'explique non, que non. Mais, non après, que, bah, le bailleur, si. Que le bailleur au PH paye de la taxe foncière, oui, le bailleur mais, de oui, l'OPH mais paye mais si de la taxe le bailleur foncière. Paye une taxe foncière, il y a bien une répercussion à un moment donné sur les loyers. En l'occurrence, là, si vous voulez, vous parlez de la capsulerie, on engage un gros programme de réhabilitation. Là où vous habitez et là où ma mère habite, on va proposer dans les prochaines semaines un programme de réhabilitation sur les 500 logements du quartier dit de l'église. Si vous voulez, donc l'OPH investit massivement pour les logements sociaux. Oh. Et donc, en fait, et votre développement est un peu, permettez-moi non. l'expression, tiré par les cheveux. Elle ne l'est pas du tout, en fait, monsieur le maire. Mais sans polémiquer, bien sûr, déjà, nous ne faisons, il n'y a aucun membre de l'opposition ne fait partie du conseil d'administration de l'OPH. Donc ça, c'est un peu difficile d'avoir tous ces éléments. Ensuite, excusez-moi, mais moi, vous me présentez, en fait, vous me présentez des beaux tableaux. Alors, effectivement, les intitulés en dessous des graphiques sont incompréhensibles, illisibles. Mais c'est ce que vous nous présentez en rapport. Donc moi, quand je travaille en fonction des documents qui me sont fournis. Vous nous reprochez de ne pas aller... Ah bah si. Vous me reprochez de ne pas aller au conseil de quartier. Mais qui est dans la majorité? Moi, je suis là pour débattre avec les dossiers au conseil, au conseil municipal. Je suis là pour, si je dois communiquer avec vous par mail ou par... c'est mon rôle. Mais mon rôle, c'est je viens de temps en temps. Si je dois venir au conseil de quartier, je viendrai. Mais c'est aux habitants aussi de venir, les habitants concernés par leur quartier, de venir. Ne me reprochez pas à moi quelque chose qui n'est pas de mon fait. Je ne suis pas de la majorité, monsieur le maire. Donc moi, vous nous demandez de voter un rapport. Je travaille en fonction des documents. Les documents ne sont pas clairs. J'en fais part ce soir. Vous parlez du quartier de la capsulerie. Je me permets de vous souligner. Oui, mais je vous souligne que l'OPH va investir massivement sur TH7, TH8, ce qui aurait dû être fait il y a très longtemps, de la même manière que sous le précédent mandat, la ville de Bagnolet a réhabilité le 50 Vaillant, ce qui aurait dû être fait depuis 2001. Voilà, donc on investit, ça prend du temps, mais ça avance, croyez-moi. Je vous propose de passer aux voix. Qui si est pour peux, si je peux me permettre, deux choses factuelles. C'est le conseil municipal est bien instance de la vie démocratique, ce que vous nous renvoyez régulièrement au conseil de quartier. Mais ce sont des réunions publiques, les conseils de quartier, monsieur Vionnet. Mais l'instance où les élus de la majorité et de l'opposition doivent débattre des dossiers, c'est bien ici. Absolument. Et puis, deuxième chose, là aussi factuelle par rapport à ce qu'a dit Solène, évidemment que la taxe foncière ne s'applique pas aux locataires, mais à partir du moment où elle impacte... Comment ? Mais à partir du moment où elle impacte les bailleurs sociaux... Elle impacte quand même, et on sait bien que la situation financière des bailleurs sociaux et notamment des offices est quand même très tendue aujourd'hui, et donc ça impacte bien les finances et les capacités d'agir des bailleurs sociaux, de manière factuelle. Ça impacte les finances des bailleurs sociaux, ça je vous le confirme. Je vous propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, adaptation de la cotation pour l'attribution des places dans les structures petite enfance. Zora. Bonsoir à tous, chers collègues. Depuis le début de ce mandat, où je suis en charge de la petite enfance, je porte au sein de la majorité municipale trois objectifs. Accroître les capacités d'accueil de la petite enfance à Bagnolet, améliorer la qualité de cet accueil au quotidien, œuvrer à toujours plus de transparence et d'équité dans l'attribution de places dans nos structures. La note que vous avez devant vous confirme ce troisième engagement qui nous tient particulièrement à cœur. Nous avons fait le constat, en effet, que les critères existants étaient satisfaisants, mais perfectibles. Le choix a été fait de les réviser. Je souhaite tout d'abord remercier les membres consécutifs de la CAMA, ainsi que le service de la petite enfance, qui ont travaillé à affiner les différents critères d'attribution de places en crèche à l'issue de nombreuses réunions de travail. Ce tableau des critères d'attribution sera maintenant visible par l'ensemble des bagnoletaises et des bagnoletais, par souci de transparence renforcée. Par ailleurs, afin de respecter l'équité et de répondre au mieux aux attentes des familles, nous avons rajouté des points qui permettent de mieux différencier chaque dossier et de mieux les départager. Cette démarche a été une démarche d'affinage menée collectivement avec l'ensemble des professionnels à la lumière de l'application des critères anciens pendant plusieurs années. Nous arrivons désormais au tableau stabilisé que nous vous proposons d'adopter ce soir. Nous y avons équilibré l'attribution de chaque point et ajouté des critères afin que chaque situation familiale soit au mieux valorisée. La transparence et l'équité doivent être les maîtres mots dans cette délégation, comme dans l'ensemble des actions menées par cette majorité. Je m'y emploie. Je profite de cette délibération pour vous transmettre quelques informations complémentaires. Comme vous le savez, le domaine de la petite enfance fait partie des secteurs professionnels où, sur le plan national, il existe de fortes tensions de recrutement. C'est le cas également à Bagnolet. Un effort d'attractivité est mené pour lutter au mieux contre cette difficulté. En termes de places, ce qui constitue notre premier engagement, vous le savez bien, celles-ci sont limitées, mais des projets ont déjà abouti et d'autres sont en cours. Ils sont inscrits dans notre programme politique et devraient bientôt voir le jour. Pour rappel, l'an dernier, l'ouverture de la crèche Guy Toffoletti a permis d'obtenir 35 berceaux supplémentaires sur notre territoire. Vous connaissez également les projets Pêche d'Or et Saint-Paix qui ouvriront au cours de notre mandat. Sans oublier l'implantation prochaine sur notre territoire des maisons des assistantes maternelles, les MAM. Le projet Pêche d'Or que j'évoquais avant permettra non seulement d'accueillir une nouvelle structure crèche, mais également d'y relocaliser le relais des assistantes maternelles, le RAM, un des outils indispensables de l'offre d'accueil de la petite enfance sur notre ville. Sur l'amélioration de l'accueil au quotidien dans les structures, de nombreux projets sont lancés. L'introduction du livre offert aux enfants quittant nos structures pour entrer à l'école, ce projet pédagogique permet la transition vers le milieu scolaire. Ou bien l'amélioration de l'inclusivité et de la pédagogie avec un travail amorcé sur la langue des signes chez les tout-petits. L'amélioration et l'harmonisation de la restauration dans les structures de la petite enfance. Et encore d'autres projets sur lesquels je reviendrai lors des prochains conseils municipaux. Pour conclure cette présentation, je souhaite rappeler quelques principes de base indispensables au bon fonctionnement de tous les services publics rendus par notre collectivité. Nos agents et nous-mêmes, élus, sommes parfois soumis à des pressions, à des agressions, à des insultes ou bien à des menaces. Ces événements sont peu nombreux et isolés, mais restent inadmissibles. Pour y répondre, la transparence, la pédagogie, le calme et la rigueur et la fermeté sont nécessaires. Les agents municipaux et les élus peuvent compter sur le soutien sans faille de la municipalité. Aucune personne n'a le droit d'entraver les services rendus à la population bagnoletaise dans le cas et dans le cas où cela adviendrait, une réponse adaptée sera systématique. Je souhaite rappeler que le travail au service de la population, au service des familles et de leurs jeunes enfants est un vrai travail d'équipe et que je souhaite à ce titre à nouveau remercier les professionnels de la petite enfance, tous confondus, qui permettent aux bagnoletaises et aux bagnoletais de disposer d'un service public de qualité. La feuille de route confiée par Monsieur le maire est claire, plus de places, de meilleures conditions d'accueil, une transparence et une équité sans cesse renforcées. Nous continuons en ce sens. Je vous remercie. Merci Zora. Des remarques, Madame Le Bourris. Bon, je pense que je ne vais pas être applaudie. Le 25 novembre 2020, je vous avais interpellée concernant une famille qui avait essuyé 3 refus pour une place en crèche. J'avais eu affaire à une mère désespérée qui se voyait obligée de mettre en suspens sa carrière professionnelle afin de garder son enfant. Et je peux vous assurer que ces 3 ans ont été vécus comme une grande souffrance pour cette femme. Par égard et respect de la vie privée de cette famille, je ne rentrerai pas dans les détails, mais je peux vous affirmer que ce refus les a mis dans une situation d'extrême précarité. J'ai été sollicitée de nombreuses fois sur le fonctionnement des attributions des places en crèche et à chaque fois le même constat ressortait. Opacité totale, aucun argument justifiant le refus, absence de recours et surtout sentiment d'injustice avec cette règle des 3 commissions. Pour celles et ceux qui l'ignorent, après 3 refus, les familles ne peuvent plus prétendre à une place en crèche dans notre commune. D'ailleurs, il y a 2 ans, je vous avais évoqué ce problème. Certes, ce soir, nous avons le droit à un peu plus de transparence concernant l'organisation des attributions de places en crèche, mais cela fait 2 ans que je vous l'avais réclamé. De plus, il me semble que vous n'êtes toujours pas revenu sur cette règle injuste des 3 commissions. Je vous remercie. Alors, juste une précision, Madame Le Bourris, parce que vous avez la mémoire qui flanche. Je rappelle que nous avons mis en place, délibéré au sein de cette instance, et c'était à l'époque présenté par Madame Claude Vorer, il y a maintenant 4 ans, sur un dispositif de cotation pour les places en crèche. Et on est l'une des rares villes à avoir ce type de dispositif où on évalue les places, les demandes des habitants et des habitantes. Donc c'était il y a 4 ans. Aujourd'hui, le dispositif continue d'évoluer et c'est ce que l'on vous présente ce soir de la même manière que l'on avait présenté le rapport il y a 4 ans. Donc on peut toujours s'améliorer, c'est ce que l'on fait, mais le système de cotation, on est l'une des rares villes à avoir mis ça en place. Zora. Je voulais juste répondre, les familles sont au courant pour les 3 demandes et c'est en accord avec le département. On n'est pas, on travaille pas seul, la mairie ne travaille pas seule, la commission, il y a plusieurs personnes. Pas que la ville, à Clermont. Exactement. Non, mais je pense que vous devez ignorer qu'il n'y a pas que la ville qui siège à la CAMA. Je n'ignore pas. Je n'ignore pas du tout, mais là, c'est que vous êtes en train de traiter de menteurs, en fait, tous ces gens qui viennent se plaindre. Qui sont mais désespérés. Mais non, on ne les traite pas. Mais non, mais Madame Le Bourris, on ne traite personne de menteur. Je vous explique juste un élément factuel. Je vous explique un élément factuel. Commission CAMA de mai, 460 demandes, 80 places attribuées. Voilà, ça, c'est factuel. Donc forcément, il y a des gens qui, dans cette ville, forcément, sont mécontents. Il n'y a pas assez de places. C'est pour ça qu'on crée des... Les équipements publics. C'est pour ça qu'on crée un équipement public à Pêche-d'Or. C'est pour ça qu'on va créer un équipement public au Malassis. Et c'est pour ça qu'on a construit une crèche à Tofoletti. Il y a un manque criant de places en crèche. Alors, on essaie d'objectiver les choses. Bon, c'est pour ça qu'on a mis en place un dispositif de cotation. Et on essaie de faire évoluer le dispositif au fur et à mesure du temps, réellement. Excusez-moi, parce que j'avais la parole. Ce qui est factuel, par contre, c'est la détresse des gens. Et ce qui est factuel, c'est que les lettres, je les ai vues. Il n'y a pas de justification. Donc, quand on me dit que ce n'est pas justifié, je ne vais pas inventer quelque chose pour vous embêter. J'interviens parce qu'on me demande de le faire. Okay. Encore une fois, je le fais parce qu'on je représente des citoyens qui me demandent de le faire. Puisqu'il y a des gens qui nous soutiennent. Ne l'oubliez pas, ça. Non, mais je vous explique juste 460 demandes, 80 places attribuées. Voilà, ça, c'est factuel. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est engagé à construire de nouveaux équipements publics. Et du coup, j'en profite pour poser une question concernant la crèche Girardot. Est-ce qu'il y a des fiches de poste? Est-ce que vous avez réussi à recruter des... Non, moi, je ne recrute pas la crèche Girardot. C'est le département, mais est-ce que vous... La crèche Girardot, c'est le département, donc je ne recrute pas. Donc, je ne suis pas responsable du fait qu'il y a pas assez de professionnels. Oui, mais vous avez compris, parce que j'ai dit le département, je me suis rattrapée, ça vous fait plaisir de me faire passer pour... Non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... je prends la parole, monsieur le maire. Je ne vous ai pas donné la parole. Sur la crèche Girardot, je vais vous répondre. Je l'avais, monsieur le maire, la parole. Si vous voulez, on a été... On a eu une réunion il y a maintenant une dizaine de jours avec les services du département. On a eu une visite sur site, donc nous allons récupérer le bâtiment de la crèche Girardot, puisqu'aujourd'hui, la crèche départementale Girardot, faute de professionnels, n'est plus en capacité d'accueillir des enfants bagnoletais. Donc, le département va nous rétrocéder à l'euro symbolique, la crèche Girardot, et nous allons pouvoir y développer un équipement à destination de la petite enfance. Et je pense qu'on sera tous à s'en féliciter. Et Zora Kelly va avoir l'occasion de présenter d'abord au bureau municipal dans les prochaines semaines, une note d'orientation sur le sujet. C'était le sens de ma question, vous l'aviez compris. Vous avez la réponse. Donc, je vous propose de passer au voix. Monsieur Chahir. Oui, j'avais quelques questions sur ce sujet. Quand on dit renforcer l'équité et la transparence dans le traitement des dossiers, j'espère que l'équité et la transparence sera respectée. C'est le cas. Soyez rassurés. Oui, très bien. Et la nouvelle, si la nouvelle cotation, je ne comprends pas très bien quand on dit 4 points pour un parent mineur. C'est quoi un parent mineur? Faudrait juste m'expliquer. C'est un parent mineur, ami. C'est un parent qui est mineur. Moins de 18 ans. Ça existe. Ah, écoute. Très bien. Mais 4 points, oui, 4 points. Donc voilà, très bien. Je ne vois pas beaucoup à 2 points pour une femme avec une grossesse multiple. Je ne sais pas comment ont été calculés les points, donc j'aimerais bien comprendre beaucoup à 2 points pour un enfant en situation de handicap et pour une femme avec une grossesse multiple. Donc voilà, je voudrais juste comprendre un peu comment ont été décidés ces différents points en fait. Zora, rapidement. Avant de passer au conseil municipal, il y a le bureau municipal d'abord. Et d'abord, pour la commission, on est plusieurs. Le département, comme tu vois sur les documents, il y a deux tableaux qui sont bien différents. Et si tu étais là au bureau municipal, j'allais bien expliquer. Il y a la commission Solidarité citoyenne qui explique aussi où tu aurais pu poser les questions. Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est approuvée. Délibération 34, modification du règlement intérieur des activités périscolaires et extrascolaires. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des observations? Monsieur Ragnaud, je vois. Non, je plaisante. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération 35, mise en place d'une offre de services et de garanties d'assurance santé. Il s'agit de la mutuelle communale. Grégoire. Oui, merci monsieur le maire. Donc je suis ravi et très heureux de pouvoir vous présenter cette délibération donc, qui est la mise en œuvre d'une promesse de campagne de Bagnolet en commun et qui avait été reprise également dans le programme de la municipalité, donc de la majorité. Donc je suis vraiment content qu'on y soit arrivé. Je voulais d'abord remercier les services, le secrétaire général, la direction de la santé qui s'est mobilisée fortement pour pouvoir mettre en place cette offre. Elle sera proposée aux Bagnoletaises et aux Bagnoletais à partir de la mi-novembre avec des permanences qui seront assurées par la mutuelle familiale donc, qui a été sélectionnée. Par suite à un appel d'offres. Pourquoi cette réforme est importante? Elle est importante pour trois raisons. Une première raison qui est l'inégalité d'accès à l'assurance. On a 15% des personnes qui recherchent un emploi qui n'ont pas d'assurance santé. 10% des personnes avec les plus faibles revenus qui n'ont pas d'assurance santé. Et donc cette mutuelle doit permettre à ces personnes-là de pouvoir accéder à une offre de qualité et avec des primes raisonnables. Deuxième raison pour laquelle cette réforme et cette mesure est importante, c'est l'investissement du secteur public sur une partie de la dépense qui avait été laissée au secteur privé. Donc en engageant la municipalité sur cette offre et en permettant à la sélection d'une offre de qualité, cela permet de réinvestir un champ qui avait été laissé donc aux mutuelles et donc cela permet notamment d'améliorer l'information et d'améliorer la qualité de la couverture pour les Bagnoletaises et les Bagnoletais. Enfin, je dirais que ce n'est qu'une étape sans doute et je l'espère, puisque comme vous pourrez le voir, évidemment, certaines primes restent élevées pour certains assurés. Ces primes ne sont pas en fonction des revenus comme le sont les cotisations sociales. Et donc cet engagement du public sur cette dépense de santé laissée au secteur privé doit ouvrir la voie également à une socialisation plus grande de ces dépenses de santé à travers des dispositifs type de la grande sécu qui avait été notamment défendu dans les programmes présidentiels. Donc voilà, donc un dispositif et une promesse qui est tenue et qui dorénavant prend forme et qui sera à la disposition des Bagnoletaises et des Bagnoletais à partir de la mi-novembre. Voilà, je vous remercie. Merci Grégoire. Est-ce qu'il y a une intervention, Madame Le Bouris? Avant d'intervenir, j'ai une question parce que en fait, il n'y a rien qui joue au rapport. C'est normal qu'il n'y ait pas la convention? Alors, il y a eu un rapport. Alors, la convention sur le... Il n'y a qu'une page. Oui, il y a une page qui dit qu'on peut... Enfin, on autorise le maire à convenir d'une autorisation. Alors, ça a été communiqué notamment aux membres de la commission citoyenne, à la commission 3, l'ensemble du rapport d'expertise de l'appel d'offres. Et donc, vous avez la comparaison entre toutes les offres. Donc, ça aurait pu vous être communiqué. Ça manque quand même. Voilà. Ça manque quand même au rapport. Dans le mandat précédent, nous avions demandé à ce que la création d'une mutuelle municipale soit étudiée, puisque la ville de Montreuil avait ouvert la voie et que depuis de nombreuses villes voisines l'ont adoptée, Romainville et Les Lilas, sous l'impulsion de leurs élus communistes. C'est également un projet que nous considérons important et nous l'avions aussi inclus dans notre programme au moment des élections municipales. Contrairement à ville, ces villes n'ont pas tardé à la mettre en place. Vous le savez, puisqu'elles vous ont transmis leur cahier des charges il y a plus de 18 mois. Évidemment, dans un contexte apaisé et normal, nous aurions voté ces délibérations. Mais elles donnent à elles seules raison à notre position globale de ne pas prendre part au vote ce soir. Il est stupéfiant de voir que même sur un sujet aussi consensuel, vous ne soyez pas capable de réunir les conditions d'un vote unanime du conseil municipal. J'en prends pour preuve l'absence totale de support, conventions, contrats types ou même coûts pour le budget municipal, qui nous aurait permis de juger sur pièce le choix qui vous a conduit à signer avec la mutuelle familiale. Ainsi, vous nous demandez de voter sans nous présenter ni les tarifs ni les avantages des prestations dont les bagnoletais pourront bénéficier. Vous nous demandez de vous autoriser de signer le contrat. Or, vous avez omis de joindre ce dit contrat au rapport. Je suis désolée, il manque quand même. Il manque, c'est une obligation. Il y a peut-être des commissions, mais c'est une obligation de joindre un contrat au rapport. Ça là-dessus, je resterai intraitable. Or, vous avez il s'agit donc d'un énième effet d'annonce. Dommage, le sujet mérite bien mieux que la maigre page qui nous est présentée ce soir. Bel effet d'annonce. Olivier. Alors, pour vous rassurer quand même, Madame Le Bourris, sur les conditions dans lesquelles cette délibération est prise, je rappelle que la ville, il ne s'agit pas d'un marché public. La ville n'est pas en train de passer un contrat avec une société, puisque la ville n'est pas elle-même bénéficiaire du dispositif. C'est un dispositif que la ville met en place dans le cadre d'un appel à projet et qui bénéficie aux usagers finaux de, évidemment, cette mutuelle communale de santé. Votre groupe a été convoqué à une réunion de la fameuse commission ad hoc de sélection des soumissionnaires qui ont donc souhaité participer à cette mutuelle communale de santé. Monsieur Stalins et Monsieur Jamais étaient les deux membres de votre groupe qui ont été invités à cette commission. Et dans le cadre de cette convocation, ils ont été destinataires de l'ensemble des pièces qui sont identiques à celles que l'on envoie habituellement dans le cadre d'une commission d'appel d'offres, qui leur ont permis de prendre connaissance de l'ensemble des éléments que vous avez soulevés dans votre intervention et qui donc sont le support du choix de la mutuelle familiale. Je précise enfin que parce que nous ne sommes pas dans une commission d'appel d'offres et nous ne sommes pas dans une procédure de marché public, il n'y a pas de contrat, il y a une convention d'occupation du domaine public. Alors c'est un côté immatériel, hein, cette convention d'occupation du domaine public relève de la compétence transférée par le conseil municipal au maire et donc n'a pas vocation à être délibérée par le conseil municipal. Il aurait été probablement souhaitable, effectivement, que les documents qui ont été transmis à la commission ad hoc soient à nouveau annexés au dossier du conseil municipal pour la meilleure information des membres, évidemment, du conseil, mais concrètement, sur le plan strictement de la procédure, l'ensemble des obligations qui s'imposaient à nous dans ce cadre ont été respectées. Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est approuvée et on s'en félicite. Délibération suivante, Grégoire, retrouve ton cap. Oui, je vais faire les trois peut-être. Surtout. Il y a tout d'abord une première délibération sur les... peut-être les deux délibérations 36 et 37 qui montrent encore une fois qu'on essaye et qu'on dynamise l'activité du centre municipal pour que le service public soit toujours à la pointe. Donc tout d'abord avec le dispositif Retrouve ton cap et en faisant du centre municipal de santé un centre de référence pour le dispositif Retrouve ton cap, donc il y a un dispositif de prise en charge des enfants en surpoids, et comme vous l'avez souligné, c'est un grand défi à Bagnolet avec un taux de surpoids parmi les enfants qui est extrêmement important. Une deuxième délibération qui montre encore une fois l'investissement dans le centre municipal pour dynamiser l'offre de services publics avec cette subvention de la région Île-de-France pour le financement donc, du panoramique dentaire qui a été installé en septembre et qui sera très prochainement mis en action. Voilà. Et enfin, une dernière délibération, qui est une délibération très classique, de convention entre le conseil départemental et la ville pour le financement du CPEF et de la PMI et des PMI. Ah, pardon. Donc, nous avons deux vœux qui ont été déposés. Le premier par le groupe Écolo Solidaire et le groupe Ensemble pour Bagnolet, qui concerne une demande de boycott de la Coupe du Monde pour le Qatar. Jean-Claude Oliva. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Avant de vous lire le vœu, je vous veux brièvement vous rappeler le contexte. La Coupe du Monde de football s'inscrit dans une série d'événements qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu, qui sont caractérisés par leur indifférence totale aux droits humains et aux questions environnementales. C'était le cas à Sotchi, en Russie, en 2014. C'était le cas plus récemment à Pékin. Donc c'est le cas de cette Coupe du Monde au Qatar. Et c'est le cas aussi d'un autre événement qui vient d'être annoncé, des Jeux d'hiver en Arabie Saoudite, des Jeux d'hiver interasiatiques en Arabie Saoudite en 2029. Et donc, face à ce genre d'événement, il y a un mouvement de boycott international qui se développe. Dans ce autre élément de contexte, donc dans ce mouvement de boycott, les grandes villes françaises ont un rôle important. Donc, c'est le cas de Lille, de Paris, de Marseille, de Strasbourg, je ne les cite pas toutes, qui se sont engagées dans ce sens. Les partis politiques, notamment de écologistes et de gauche, se sont clairement prononcés. C'est le cas d'Europe Écologie Les Verts, dont le Conseil fédéral a appelé les élus et les villes au boycott, et également d'Olivier Faure, le secrétaire national du Parti socialiste, qui a eu des mots forts sur France Info il y a deux jours, disant que cette Coupe du Monde se fera sur un cimetière. Il y a 6500 ouvriers qui sont morts pour construire ces stades dans des conditions pas loin de l'esclavage. Dernière observation avant de vous lire le vœu. Il s'agit bien d'un vœu qui a un intérêt local, puisque quatre des cinq propositions qui sont dans ce vœu concernent notre ville. En fait, il s'agit d'organiser un boycott actif avec une manifestation populaire, positive et sportive, alternative à la Coupe du Monde. Donc, je vous lis le vœu. Boycott de la Coupe du Monde de football de 2022 au Qatar. Le sport est un formidable vecteur de plaisir, d'épanouissement, d'inclusion, de santé et au niveau international, de paix et d'amitié entre les peuples. Les grandes compétitions peuvent aussi être de beaux moments de partage, de fête et d'union de celles et ceux qui vivent sur un même territoire, soutiennent les équipes qui le représentent avec une attente populaire légitime et impatiente des grandes affiches. Mais en tout état de cause, cette passion et ce soutien ne peuvent ni se vivre ni s'exprimer à l'occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, compétition en totale opposition avec les impératifs écologiques et les droits humains. Cette Coupe du Monde, si elle a lieu, sera entachée par le sang de plus de 6500 travailleurs étrangers qui ont construit 8 stades au prix de leur vie et de ceux qui ont été expulsés du pays pour avoir simplement réclamé le versement de leur salaire. Ces 8 stades bâtis ou rénovés pour une épreuve de 3 semaines dans un pays dépourvu de toute pratique sportive populaire ont été construits au mépris des normes internationales de base du droit du travail avec des cas avérés d'esclavagisme. D'autres droits seront bafoués car dans ce pays, des personnes sont victimes de discrimination et violences institutionnelles à cause de leur orientation sexuelle. Le gouvernement qatari a d'ores et déjà annoncé que les personnes homosexuelles seront poursuivies pendant la durée de la compétition. Les sponsors majeurs de la Coupe du Monde de la FIFA sont des acteurs importants de la gabegie énergétique, des politiques extractivistes, de l'hyperconsommation et de la logique de profit maximal et immédiat à l'origine du réchauffement climatique et de la perte de biodiversité dramatique que subissent d'abord et avant tout les populations les plus précaires de la planète. Cette Coupe du Monde, si elle a lieu, elle se tiendra dans 8 stades à ciel ouvert, équipés de systèmes de climatisation parfaitement incompatibles avec l'urgence climatique et les mesures à mettre en œuvre pour préserver les conditions de vie supportables pour les populations les plus précarisées de la planète. Le conseil municipal de Bagnolet, réuni le 6 octobre 2022, appelle, premier point, la Fédération française de football à retirer l'équipe de France, championne du monde en titre de la compétition, refuse de contribuer à la diffusion des matchs dans l'espace public et dans les salles municipales, et à quel que soit le parcours des équipes nationales engagées, soutient les initiatives portées par la société civile pour alerter sur les conditions de travail et environnementales de la préparation et du déroulement de la Coupe du Monde, s'engage à ce qu'aucun membre du Conseil n'assiste aux compétitions et cérémonies du tournoi, où qu'elles soient organisées, et ce, quels que soient les résultats de l'équipe nationale engagée dans la compétition, proposera enfin aux habitants de notre ville de participer à des matchs de football ouverts à toutes et à tous, mixtes et inclusifs, à l'heure de retransmission des matchs de l'équipe de France, si celle-ci participe à la compétition. Mona Bellil. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Que ce soit pour des raisons éthiques, écologiques ou parce que le mondial de football cette année se tiendra en hiver, certaines villes françaises ont fait le choix de ne pas organiser de retransmission ou de fan zone. Certaines d'entre elles appellent même au boycott de ce mondial. Monsieur le maire, dans un récent post sur les réseaux sociaux, nous indiquait que la commune de Bagnolet n'envisageait pas d'installer de tels équipements, tout en n'appelant pas au boycott, ce qui s'inscrit dans le profil de notre groupe. En effet, à un mois et demi du coup d'envoi de ce mondial, nous n'allons pas jaillir le totem du boycott. Existe-t-il des raisons de critiquer ce mondial? Oui, indéniablement oui. Non-respect des droits humains, aberration écologique. Mais soyons honnêtes, aucune des 32 fédérations qualifiées n'a sérieusement envisagé de ne pas envoyer sa sélection nationale. La France en premier lieu. Cet appel au boycott institutionnel n'est tout simplement plus d'époque. Et faute d'avoir été pensé plus tôt des années, il est devenu complètement chimérique. Parce que notre action politique ne s'inscrit pas dans le double discours, nous n'allons pas demander à nos habitants de boycotter la Coupe du Monde dans un des rares moments de célébration et de vibration en cœur pour une équipe nationale qui représente notre pays jusqu'à la diversité de ses quartiers. Nous n'allons pas demander à nos sportifs de haut niveau de ne pas jouer une compétition pour laquelle ils se préparent depuis maintenant de nombreuses années et pour laquelle ils n'ont à endosser de responsabilité, ni dans l'organisation de la compétition, ni dans le choix du pays hôte. Alors oui, notre action ne s'inscrit pas dans le double discours. J'irai même plus loin. Nous n'avons pas l'indignation sélective. Oui, cette mobilisation, où était cette mobilisation lors des mondiaux de football en 2018 pour la Russie, dont la candidature, pour la petite histoire, a été actée au même moment que celle du Qatar en 2010. Où était cette mobilisation lors des mondiaux d'athlétisme en 2019 à Doha, capitale de l'Émirat en question? Dans cette longue série, nous pouvons également évoquer l'Euro de football qui s'est tenu en 2021, non pas dans un pays, mais dans une dizaine de pays. Qu'en est-il de la mobilisation contre les Jeux asiatiques d'hiver 2029, pour lesquels le Royaume d'Arabie saoudite a été désigné pays hôte cette semaine? Alors oui, messieurs, alors oui, mesdames, même l'hypocrisie et la démagogie ont leurs limites. En revanche, nous sommes d'accord. Il faut ramener la coupe à la raison dans ce domaine. À l'instar des mobilisations des gouvernements, des entreprises et des associations face à l'urgence climatique, le monde du football et du sport de manière générale doivent davantage se mobiliser sur les enjeux de transition écologique. Plutôt que le boycott, nous préférons l'attitude des ONG de défense de l'environnement et des droits humains, lesquelles ne préconisent pas la politique du siège vide, mais préfèrent profiter de l'événement pour porter leur message. C'est ainsi qu'Amnesty International, excusez-nous du peu, n'appelle pas au boycott, mais négocie étroitement avec la FIFA. Par ses actions, cette ONG fait pression sur les partenaires de ce mondial pour créer un fonds d'indemnisation pour toutes les familles ayant perdu un proche sur le chantier de ce mondial. La Fédération française de football, elle aussi, a un rôle à jouer dans ce mondial. Elle doit s'assurer que tous les prestataires de services auxquels elle fera appel au Qatar respectent les droits humains. Nous comprenons le désaveu grandissant des événements sportifs et nous pouvons comprendre les critiques de l'opinion publique sur la tenue de ce mondial au Qatar et sur l'impact environnemental de ce type de compétition. Ce mondial est l'occasion de mettre un coup de projecteur sur cette situation et de faire réellement changer les choses pour les milliers de travailleurs ayant œuvré à la livraison de cette Coupe du Monde. Par ailleurs, nous espérons que vous serez tout aussi vigilants et attentifs sur ces questions pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 qui se tiendront là, dans notre département. Pour toutes ces raisons, notre groupe s'abstiendra. Merci Mona. Edouard. Bien, un mot également sur ce vœu qui appelle au boycott de la Coupe du Monde qui démarre le mois prochain au Qatar. Oui, cette Coupe du Monde est une aberration écologique, Oui, de graves violations des droits humains y ont été commises, elles ont été rappelées. Et pour toutes ces raisons, le boycott peut se justifier. J'appelle malgré tout le monde à prendre la mesure de la singularité de cette situation, alors que, comme cela a été rappelé, lorsque la Coupe du Monde s'est tenue en Russie, la Crimée était déjà envahie en violation des règles internationales par Vladimir Poutine. En 2014, c'est une véritable violence qui s'est déroulée dans nombre d'endroits où se sont construits les stades au Brésil. C'est largement documenté par les organisations défenseurs des droits de l'homme. Et je pense qu'il faudrait veiller à ne pas se lancer dans des indignations à géométrie variable et que nous prenions en considération tous ces paramètres. Je le mets comme codicille, mais on boycotte la Coupe du Monde au Qatar et pour les questions de vente d'armes et pas les questions sportives, les boycotts sont quand même moins notables. Cela dit, parce qu'il faut tenir tous les bouts, il nous semblerait intéressant que ce vœu soit réécrit, notamment pour mentionner, si on veut boycotter, qu'on boycotte l'ensemble des réunions sportives internationales à venir à égalité dans tous les pays, à la condition qu'elles violent et les droits humains et ne permettent pas, ou en tout cas violent largement l'environnement. C'est une proposition que je formule. Pour faire une telle modification, il faut suspendre notre séance. Je me tourne vers le président de séance. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, M. Lionel, qu'il faut présenter ? Oui, brièvement, j'entends les arguments qui viennent d'être formulés, mais qui renvoient, et on peut les partager, mais qui renvoient, il y a eu d'autres cas extrêmement choquants. Mais si à chaque moment, on justifie les choses parce qu'avant, il y a eu également des choses choquantes. Pardonnez-moi de le dire simplement, mais on n'en sortira jamais. Et à un moment, par exemple, sur les questions écologiques, on ne peut pas se contenter de dire continuons comme avant. Il y a bien des besoins de rupture. Et là, quand même, cette compétition au Qatar, je ne redis pas ce que Jean-Claude a exprimé sur les droits humains, mais en plus sur l'aberration écologique. Moi, j'avoue que quand en plus j'ai entendu l'histoire de l'Arabie Saoudite, j'ai cru que c'était un humoriste. Les Jeux d'hiver en Arabie Saoudite. Donc c'est vrai qu'on est quand même dans le festival de l'aberration, et je pense qu'on ne peut pas justifier les aberrations d'aujourd'hui parce qu'il y a eu des aberrations hier. Et puis la deuxième chose, c'est que dans le vœu tel qu'il a été rédigé et présenté par Jean-Claude, il y a aussi une dimension locale. Il y a aussi effectivement de ne pas diffuser, d'encourager des manifestations inclusives, parce que j'entends bien que nous devons être modestes, et ce n'est pas notre modeste conseil municipal qui va obtenir le boycott de la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, d'autres villes ont délibéré en ce sens-là, et je pense qu'elles avaient la même conscience des choses. Mais dans ce vœu, il y a aussi des applications locales qui, me semble, méritaient d'être entendues. Attention, elle sera d'une minute, il est tard. Oui, moi, j'entends ce que dit Edouard. Je suis prêt à intégrer une phrase ou un petit paragraphe sur les boycotts à venir de toutes les manifestations qui se couleraient dans les mêmes problèmes, à la fois sur les droits humains et à la fois sur l'environnement. Donc, pour moi, aucun problème pour ajouter ça. Non, mais il faudrait qu'il soit rédigé le... Je pense, Mona. Bonsoir à tous. Si on est en train d'amender le vœu, amendons-le et amendons cette phrase que je trouve inacceptable. Je vais vous la lire, qui est dans le vœu. Ces 8 stades bâtis ou rénovés pour une épreuve de 3 semaines dans un pays, je précise, dépourvu de toute pratique sportive et populaire. Qu'est-ce que ça dit sur le Qatar ? Et sur les Qataris qui pratiquent du sport. Est-ce que le Qatar ne s'inscrit pas dans une logique de culture du sport ? Est-ce que, moi, vous savez, quand je lis cette phrase, j'imagine des petits bédouins dans un désert qui n'ont rien à voir avec le sport, des gens qui n'ont jamais fait de sport, et comme ce n'est pas ancré dans leur culture, Donc, ils n'ont pas la légitimité d'accueillir cette Coupe du Monde-là. Moi, c'est ce que je comprends en lisant ce paragraphe-là. Après, il y a certaines citations, à mon sens, dans ce vœu qui est très mal écrit, où, sans citer aucune source, vous précisez plus de 6500 travailleurs étrangers, qu'ils ont construit 8 stades et qui en sont décédés. Mais où sont vos sources? Ce n'est pas comme ça qu'on écrit un vœu. Édouard. Bien, quand je disais qu'il fallait une suspension de séance pour réécrire des éléments du vœu, je pensais notamment à ça, aux relations avec la fédération, etc. etc. Je vois qu'il n'y a pas de consensus, il y aura liberté de vote. Vous voulez suspendre, moi, je veux bien qu'on suspende 5 minutes, mais je ne suis pas certain qu'il y ait un consensus. Vous voulez suspendre? Non. Mona, Issel, Édouard, tu veux une suspension? On avance. Notre groupe est déjà d'accord sur la direction de vote sur ce vœu-là, donc je ne pense pas qu'on a besoin de suspendre la séance. À part si Édouard veut en discuter, peut-être. Non. Bon, je propose de passer aux voix. Donc, qui est pour ce vœu? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le vœu est approuvé. Vœu suivant, sans doute plus consensuel, qu'il présente, Monsieur Vionnet. Oui, merci. Donc, nous avons souhaité déposer un vœu et que nous portons conjointement avec le groupe des Écolos Solidaires sur la situation en Iran. Je ne serai pas très long parce que je pense que nous pouvons tous constater la situation tragique qui règne dans ce pays. C'est certes un sujet international qui est loin de Bagnolet, mais il fait quand même écho à la souffrance et à l'oppression que subissent des femmes dans tous les pays. Bon, je pense que tout le monde a bien en tête les manifestations massives qui, malgré la répression sanglante du régime de Téhéran, se déroulent actuellement en Iran, que ces manifestations font suite au meurtre, parce qu'il faut appeler une chose par son nom, d'une jeune femme, Mahsa Amini, suite à son arrestation par ce qu'il est convenu d'appeler la police des mœurs du régime qui contrôlait le respect de l'obligation de port du voile. Ces abus ne sont malheureusement pas des abus isolés, il y en a de nombreux en Iran. On peut penser par exemple à cette avocate qui a été condamnée à, si mes souvenirs sont bons, à 10 ans de prison et 148 coups de fouet pour atteinte à la décence. Malgré tout, les femmes iraniennes continuent à manifester leur résistance. On pense par exemple à un mouvement, je crois, qui s'appelle Ma Liberté Furtive, où elles se photographient en Iran sans voile. Et donc, on voit bien qu'on est aujourd'hui dans une oppression qui nous questionne tous. Donc voilà sur ces quelques mots préalables. Donc si je donne lecture du vote, donc le 13 septembre dernier, Mahsa Amini a été arrêtée puis frappée par la police des mœurs du régime de Téhéran pour non-respect du port du voile, obligatoire pour les femmes iraniennes, et elle est décédée des suites de ses blessures à l'âge de 22 ans. La mort de Mahsa Amini a déclenché un mouvement massif de protestation, d'abord au Kurdistan iranien dont elle était issue, puis dans le reste du pays, mouvement immédiatement réprimé dans le sang. Les Iraniennes qui luttent pour leurs droits et leurs libertés contre un régime théocratique servant à la justification d'une société patriarcale ont besoin du soutien de la communauté internationale, fidèle à sa tradition de solidarité, puisque Bagnolet l'a déjà fait plusieurs fois, Bagnolet se doit d'afficher ce soutien. En votant ce vœu, le Conseil municipal prend position sur un sujet international, mais rappelle l'urgence à comprendre partout l'oppression s'exerçant sur les femmes et sur leur liberté fondamentale. Il est donc proposé d'affirmer solennellement le soutien du Conseil municipal au combat des femmes iraniennes pour leur liberté, de rappeler l'urgence à lutter aux côtés de toutes les femmes, revendiquant le droit à disposer librement de leur corps. Je pense que ce vœu fait l'unanimité, donc je vais le mettre aux voix immédiatement. Madame Félix, il ne fait pas l'unanimité ici, j'imagine. Allez-y. Si, si, absolument. Non, je remercie Pierre. Je voulais juste rajouter quelques mots. Donc, bien sûr, nous soutenons ce mouvement du peuple iranien en tête duquel sont des femmes. C'est un mouvement courageux qui a déjà coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes. C'est un mouvement de révolte contre le patriarcat. Si en Iran, le patriarcat se justifie de règles religieuses, le mouvement de lutte contre le patriarcat est quant à lui un mouvement général, mondial, qui prend des formes diverses, mais cohérentes, de revendication des droits des femmes. En France, en Île-de-France, à Bagnolet, nous sommes aussi concernés ES, à écriture inclusive. Il s'agit de lutter contre l'inégalité de traitement, des traitements devant le droit, les féminicides, les violences sexistes et sexuelles, les VSS, mais aussi de lutter tout simplement contre les préjugés et transformer le fonctionnement des organisations et des lieux de pouvoir. En solidarité avec les femmes iraniennes, j'évoque leurs mots « femme, vie, liberté ». Vous pouvez avoir nos cheveux, mais nos corps, eux, sont libres. Merci. Donc, qui est pour adopter ce vœu ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est approuvé. Je vous remercie. La séance est levée.